une chose qu'il faut comprendre, frère. Faites seulement un animal. Est-ce que la Bible parle du lapin? C'est ça, il parle de tous les animaux. Voilà, il parle des animaux, en fait. Mais quand on rentre dans la Genèse, par exemple, quand on rentre dans la Genèse, lisons par exemple Genèse chapitre 1, versets 24 à 25. Quel verset, pardon, mon frère, tu peux... Genèse chapitre 1, verset 24 à 25. Ok. Je lis. Mm-hmm. Alors, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Le bétail selon leur espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Amen. Donc Amen. Là, il est en train de parler des animaux selon leur espèce. Donc, il ne précise pas effectivement. C'est en général. Donc c'est pourquoi c'est de savoir maintenant, est-ce qu'on parle d'un animal? Si on parle d'un animal, c'est que c'est quelque chose qui a existé. N'est-ce pas? C'est à l'école, maintenant, quand on rentre, on commence à formater notre esprit là-bas pour essayer de compter les espèces des animaux qui sont sur la terre. Ils vont te dire les oiseaux là-bas, ils sont combien 1600 espèces. Ils vont dire 1 million, ils vont dire selon eux leur calcul, en fait. Mais ça peut dépasser, ça dépasse même si on veut voir. Parce qu'il y en a tellement qu'il y a des noms même qu'on ne connaît même pas. Oui, on n'a même pas encore découvert. Même pas encore découvert. Oui, c'est ça. Dans d'autres pays, il y a des poissons, par exemple, que nous, on n'a jamais vu ici. Mais souvent, sur Internet, on voit des poissons de couleur bleue, des poissons de couleurs tellement, je peux dire tellement extraordinaires, des couleurs qu'on n'a jamais vu ça ici. Mais ailleurs, les gens voient ça. Donc, c'est quelque chose certainement qui existait. Parce que, qui dit le scientifique? Le scientifique, il n'a rien à dire que de dire ce que... Ça dit, ils s'embrouillent, en fait, de dire ce que Dieu a déjà fait. Leurs recherches, ils font, là, ils s'embrouillent eux seuls. La seule chose, c'est qu'ils refusent de croire en Dieu, c'est tout. Ils vont essayer de dire, oui, ce sont des découvertes, ce sont les créatures, ils vont remonter, c'est ça, ils vont remonter jusqu'à ils vont aller trouver la généalogie de l'homme dans le singe. Toutes ces choses-là. Ouais, avant, il était un singe. Mais si l'homme était un singe avant, pourquoi aujourd'hui on met au monde, on ne met pas singe? Or, le Seigneur a dit ici de se reproduire selon leur espèce. N'est-ce pas? Si la reproduction est faite selon son espèce, pourquoi nous on met les enfants, c'est pas les singes, les singes? Pourquoi c'est pas les singes vraiment au monde et on met les hommes au monde? Or, quand les singes continuent de mettre les enfants, leur bébé au monde, leur bébé sont singes. Il y a un téléphone qui vibre là. Pardon, mon frère. Oui, il y a un téléphone qui vibre. Oui, c'est le mien, ma soeur. Je reviens. Ah, d'accord. Je coupe et je rejoins plus tard. Merci. D'accord. Donc, vous voyez, merci. Ils s'embrouillent eux-mêmes dans leur sagesse. Ils s'embrouillent eux-mêmes dans leur recherche. Ils s'embrouillent eux-mêmes dans leur connaissance à eux. Sans au plus s'appuyer sur qu'ils veulent vraiment connaître les choses de Dieu, qu'ils viennent à la Genèse. Ils viennent à la création. Donc, qui dit le scientifique? Le scientifique ne peut pas venir trancher une affaire. C'est la Bible qui doit trancher une affaire. Il doit dire si ça existait ou pas. Parce que le plus vieux livre, la Bible, tout ce qu'ils sont en train de créer là, en dehors de la Bible, c'est des choses qui sont venues en complément avec les pensées des hommes au fur et à mesure. Chacun s'élève à sa pensée et dit, oui, je vais créer tel livre. Il finit d'écrire tout et tout selon la pensée qu'il a. Maintenant, si sa pensée n'est pas régénérée en Christ, qu'est-ce qui va être? Pensée diabolique. Voilà. Et ceux qui vont le lire, vont lire les pensées diaboliques. C'est tout. Donc, en fait, l'école, c'est vraiment pas bon pour nos enfants, quoi. Voilà. On est obligé de les mettre. C'est ça aussi l'enjeu. Parce qu'on les Ouais, enseigne, voilà. tout ce qu'on les enseigne là-bas, c'est des trucs renversés, en fait. Effectivement, donc. On les enseigne des trucs renversés. Ce n'est pas des trucs selon Dieu. Ce ne sont pas les enseignements selon Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est toujours. Tu vois, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas, ouais, c'est chaud quand même pour nous les chrétiens parce que on est conscient que nos enfants vont apprendre à l'école, c'est les... Chut. La nuit. C'est pas bon. Mais on est contraint de les mettre à l'école. Parce que ça peut... Chut. Tiens, tiens. Ouais. Donc, ça fait quand même... moi, honnêtement, ça me fait arriver... Au bout d'un moment, ça me fait quand même mal. Ça me fait mal au cœur parce que je me dis, mes enfants, ils vont à l'école. C'est pour apprendre... Bon, Shalom, ma sœur. les animaux qu'on parle beaucoup plus dans la Bible sont les lions, parce qu'on parle de David, un lion et tout, et puis il y a un prophète aussi qui avait été tué par un lion. On parle de biche, mais l'animal qu'on décrit vraiment, c'est dans Job. Si vous pouvez aller dans Job 40, Job 40, verset 10 à 16, à 15, parle de l'hippopotame. Voici une personne qui peut lire. Voici l'hippopotame à qui j'ai donné la vie comme à toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf. Le voici. Sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Il plie sa queue aussi ferme qu'un cèdre. Les nerfs de ses cuisses sont entrelacés. Ses os sont des tubes d'airain. Ses membres sont comme des barres de fer. Il est la première des œuvres de Dieu, celui qui l'a fait l'a pourvu dans glaive. Il trouve sa pâture dans les montagnes où se jouent toutes les bêtes des champs. Il se couche sous les lotus, au milieu des roseaux et marécages. Voilà. Donc au verset 14, Dieu dit, il est la première des œuvres de Dieu. Donc c'est vraiment le premier animal, quoi. Amen. Donc, ma soeur, il ne faut pas t'embrouiller. Si ta soeur te pose des questions sur les animaux, il ne faut pas t'embrouiller. C'est la même chose. Un jour, les enfants sont venus me demander ici, mais on dit qu'à l'école, que les hommes sont issus des singes. J'ai dit, ah bon, on va rentrer dans les écritures pour voir. Mais quand on allait voir, c'était archi faux ce qu'on leur disait. Eux-mêmes, ils ont vu que c'était faux. C'est justement ça, mon frère, qui fait mal, hein. Vraiment, hein. C'est justement ça qui fait mal. Ils peuvent même pas, scientifiquement, ils peuvent même pas le prouver, hein, c'est ça le problème. Mais... Ils peuvent pas le prouver. C'est leur croyance à eux, quoi. C'est parce qu'ils croient pas. Donc, Voilà. il faut C'est que terrible, hein. C'est terrible. Dieu fait, c'est pas Dieu qui a créé l'être humain, quoi. Ils ont la théorie de l'évolution. Donc, Moi, je vais vous demander un truc qui m'intrigue. Ça n'a rien à voir avec les animaux. En fait, en discutant avec, bon, pas vraiment en discussion, on parlait avec quelqu'un qui me disait, oui, vous parlez de la Bible, vous basez sur ça. La personne me disait, est-ce que tu sais que la Bible a été en fait réécrite? Bon, il y a eu plusieurs versions. Et en fait, je ne savais pas que il y avait d'autres évangiles, en fait. Donc, la personne parlait de que Marie-Madeleine avait, désolé, il faut mettre un peu, que Marie-Madeleine a écrit une évangile, elle m'a parlé d'un tas de trucs, en fait. Bon, moi, je ne savais pas. À part ça, ce que j'ai là, je ne savais pas que ces choses-là existaient, en tout cas. Et donc, elle me disait, oui, si tu veux la vraie version de la Bible, il faut aller au Vatican. Bon, donc, ça, c'est un autre discours. Mais je voulais savoir, en fait. Donc, il y a d'autres, et c'est pas la première personne en fait qui me disait ça, parce que l'autre jour, je discutais toujours avec un autre collègue qui me disait ça. Il y a d'autres évangiles, il y a beaucoup qu'on a écarté en fait de la Bible. Et ça, ça par contre, je ne savais pas. Est-ce que quelqu'un a des notions de ça? Est-ce que. Je ne sais pas. Parce qu'on me dit, c'est pas que les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, qu'il y en a d'autres en fait. Bon, à part peut-être qui font. Il faut aller où pour trouver la bonne version de la Bible? Au Vatican. Hein, ouais. Là-bas. Ah. C'est qu'on parle même des évangiles de Barnabé. Moi, je ne sais pas sincèrement, mais c'est juste que ça m'a un petit peu. Je me suis dit. Bon. Du coup, je ne savais pas quoi dire en fait. Parce que moi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est celle que j'aime. Et je sais qu'il y a l'original, je ne sais pas où ça se trouve, il y a eu plusieurs traductions, il y a sûrement plusieurs changements aussi. Mais je ne savais pas qu'il y avait d'autres, surtout que c'est deux, trois personnes qui m'en ont parlé. En fait, ma sœur, quand ce débat-là était à l'issue de quoi, en fait, cette causerie-là, qu'est-ce qu'il voulait te montrer, en fait? Du moins, bon, l'un était en train de me dire que, bon, c'est pas qu'on parlait de Bible, hein, c'est... Là, on me disait, bon, je sais pas. Après, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a parlé de miracles et machin. Donc, du coup, je lui ai demandé s'il croyait en Dieu. Et il m'a dit, non, de toute façon, tout ce qui est raconté, avec tous les évangiles ont été changés, chacun, dont les hommes se sont assis, ils ont décidé que, bon, voilà, dans la Bible, on va faire figurer ces quatre évangiles, on va mettre ce qui nous arrange. L'autre, qui est plutôt une femme, c'était qui? Elle me disait, ouais, pour son problème, c'était que dans la Bible, elle m'a pris l'exemple de Marie-Madeleine qui marchait avec Jésus, qui avait aussi écrit sa part. Donc son problème, en fait, c'était qu'on avait écarté une femme. Ça, c'était elle, avec une femme, c'était une femme qui me disait ça. Donc, mais franchement, je ne savais pas qu'il y avait d'autres évangiles, si ça existe, hein. Ça, je ne sais pas. Il y a plusieurs... Ok, ma sœur, prenons 1 Timothée d'abord. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Mm-hmm. Je lis? Oui. Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit... Non. Tu lis quoi? Ça dit 1 Timothée 3, verset 16. Je m'as compris. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Alors, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je ne sais pas c'est dans quelle version. Une fois, j'ai écouté l'enseignement du frère où il disait non, que inspirer, c'est pas inspirer que c'est expirer. Où c'est écrit inspirer là, que c'est expirer. Maintenant, j'ai cherché à comprendre. Si ce verset-là nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, ou instruit dans la justice. N'est-ce pas? Verset 17, il dit quoi? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toutes bonnes œuvres. Ça, c'est un premier point d'abord. Maintenant, quand il parle de toute écriture est inspirée de Dieu, les que nous, on a reçu, c'est quelle écriture? Les écritures que nous, nous avons reçues, que nous avons prises au Seigneur, les écritures que nous avons reçues, les écritures qui sont entre tes mains en ce moment-là, ça comporte combien de livres? Soixante-six livres. N'est-ce pas? Ces 66 livres-là, quand tu te lis, ça te donne de comprendre quoi concernant le Seigneur? De comprendre, de comprendre sa pensée. Oui. Et puis, sa pensée, quand tu comprends, ça te donne de pouvoir être instruit. C'est utile pour toi. En fait, ça décrit le contexte qui est ici dans le verset 16 qu'on vient de lire tout à l'heure. Parce qu'il a dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Depuis que tu écoutes les enseignements, est-ce que tu as une fois entendu parler du livre de Marie de Magdala? Non, en fait, c'est pas que je pose la question juste pour savoir si est-ce que ça existe ces choses. Je ne sais pas si oui, pourquoi est-ce que ça s'est passé. Parce qu'on va nous dire qu'il y a un contexte historique, il y a un contexte. Moi, personnellement, je ne sais pas. Donc, je me renseigne aussi si vous le savez, si. Oui, ça a été ce débat-là. Je pense que j'ai déjà écouté ça peut-être l'année dernière sur Internet, l'origine de la Bible, parce qu'il parlait du Concile de Nicée, que je ne sais pas si c'est Alexandre le Grand qui avait choisi, ou il avait réuni tous les grands de l'époque pour réécrire la Bible. Bon, c'était un reportage, hein, donc. Oui, effectivement, la personne me parlait de ce truc-là. Voilà, ça devait être un reportage. Mais, en fait, il disait qu'il y avait tous les évangiles cachés et tout ça. Donc, ouais. Il disait qu'il y avait les évangiles de Barnabé et ainsi de suite. Les Maccabées, les Taux, tout ça là. Ouais, tout ça là. Moi, perso, trouver les 13 évangiles qui ont été retirés de la Bible. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits par la suite. Beaucoup. Même dernièrement, même le pape a dit qu'ils vont encore réécrire la Bible d'une autre façon quand ça les arrange pas. Mais ce qui nous a été donné depuis la nuit des temps, c'est les 66 livres qui sont là. Ce sont les fondements. L'apôtre Paul a tout dit, qu'il a enseigné tout le conseil de Dieu là-dedans. C'est ce qu'il a dit. Donc, on n'a pas allé chercher notre conseil ailleurs. Oui, c'est ça que je voulais dire. En fait, le problème, moi, je ne sais pas que j'ai. Parce que j'ai dû voir. Ma position, elle est claire, elle est prise. Mais moi, je suis. Tout à fait. Je sais que toi, tu étais un peu surprise et choquée d'apprendre qu'il y avait d'autres livres en dehors de la Bible qui étaient aussi d'autres évangiles, que les gens prenaient aussi pour l'évangile. C'est ça, non? Moi, je ne savais pas. Je n'étais pas au courant. Voilà. C'est pas un problème. Si elle t'apprend ça, on peut dire que c'est un peu plus de connaissances, c'est un peu plus d'informations qu'elle t'apprend. Mais est-ce que cette information t'empêche ou bien ça? C'est ça. On est d'accord. Il est nécessaire pour nous en tant que chrétiens de nous focaliser sur la conversation. Ça nous désoriente complètement. Moi, aujourd'hui, je suis arrivée à un niveau où quand je ressens ce qu'il m'apprend, c'est-à-dire le Saint-Esprit, tant que le Saint-Esprit me guide et que j'apprends, enfin, je veux dire, il y a cette relation intime qu'il y a entre le Seigneur et nous. Tu vois, et c'est ça qui est le plus important. N'allons pas chercher, n'allons pas trop écouter ce que les gens ils disent, oui, tu sais que. Non, parce que ça te déconcentre, ça te désoriente. Il faut juste. Pardon? Ça déstabilise, hein? Exactement. Voilà, ça déstabilise. Il faut se concentrer. Ce que tu vis avec le Seigneur, c'est ce qui compte. Parce que dis-toi que tu te fais quand même guider par le Saint-Esprit, d'accord? C'est ça. C'est ça la passion entre ton Dieu et toi. Et c'est lui qui va te dire si oui ou non, si tu es bon, tu es dans la même bonne position ou pas. Ne va pas trop chercher ce que les gens disent. En plus, bien souvent, c'est ceux-là qui ne croient même pas. D'accord? Oui, ils sont toujours là, aller chercher les théories, tu sais que si, tu sais que ça. Tu as bien commencé en disant que oui, il y a des collègues qui m'ont dit, je ne sais plus si c'est des collègues ou je ne sais pas quoi, qui disent, vous les chrétiens, déjà, tu vois, tout de suite cataloguer, ça veut dire quoi ce vous le chrétien, tu vois? Donc, non, il faut laisser ça, il faut bannir tout ça, il faut rester vraiment concentré avec dans le Seigneur et c'est lui qui te guide en fait. Comment tu lis la Bible, le Seigneur te guide, tu vois, il y a une relation qui est là. Papa, tu vois, là, tout de suite, tu te poses des questions. Et tu vois, et là, c'est une distraction. Pour moi, c'est une distraction qui n'en vaut même pas la peine. Voilà. Je voulais juste arriver à ça en disant que le diable, il ne perd rien pour te combattre. Amen, amen. Fermeté, il sait que tu as pris une position radicale. Donc, s'il doit venir pour te dire qu'il y a d'autres choses qui ont été réécrites, ça veut dire qu'il te connaît, il sait que s'il t'apprend une information, alors ça pourra déjà t'amener des questionnements dans la tête. Tu vois? Effectivement. Donc, il faut connaître cet ennemi. C'est un ennemi guerrier. Il sait comment, il sait depuis quand Dieu créait, il connaissait. Donc, il cherche la faille. Toujours. Il cherche la faille. C'est parce que. Est-ce que tu as à venir dire à quelqu'un qui est déjà sur une ligne droite, en train de marcher avec son Dieu, en lui disant que est-ce que tu sais qu'il y a que les hommes se sont assis pour écrire ce livre, tout ça. Ce qui a inspiré cette personne à te parler déjà, cette pensée, elle est déjà fausse. Elle vient tout droit du royaume des ténèbres. Parce qu'il veut, cette pensée veut seulement t'éloigner de ton Dieu. C'est subtil, c'est la même pensée qui s'est introduite dans le jardin d'Éden. Est-ce que c'est que ça vient par la question dit pour faire croire que ce que tu prends pour vrai, on veut remplacer ce que tu prends pour vrai pour faux, et puis on veut te donner le faux pour vrai. Exactement, la distraction, quoi. C'est subtil, ma soeur, très subtil. Mmh. Voilà un lien que j'ai posté là, tu pourrais écouter l'enseignement qu'il y a là-dessus. Voilà. C'est subtil, il faut rejeter ça avec grande énergie. Parce que cette personne est déjà dans les ténèbres. Depuis que lui-même, il n'a pas pris aucun livre parce que les gens ont écrit, ils ont écrit plusieurs évangiles, tout ça. Quand tu regardes cette personne, est-ce que c'est une personne qui produit la paix? Est-ce que c'est une personne que quand tu regardes sa vie, elle est sauvée, elle produit la paix. Sinon, alors, il faut savoir que c'est une personne qui veut s'entraîner, qui veut t'entraîner dans ses ténèbres, c'est tout. Voilà. C'est comme si tu lisais aussi la Bible des catholiques. Hein. Justement, les témoins. C'est la Bible des catholiques, la Bible des pauvres. Il y a plein de choses dedans. Les témoins vont aussi suivre. Les témoins de Jéhovah aussi, il y a beaucoup qui ont été déformés dedans. On peut lire aussi 2 Corinthiens, chapitre 10, à partir du verset 12. Okay.

focaliser en fait. C'est l'importance là qui est là. Donc, c'est le but. C'est pourquoi il faut des choses qu'on écoute. Là où on donne nos oreilles là. Parce qu'il a parlé ici du faux évangile. Si on vient vous prêcher un faux évangile, un évangile qu'eux-mêmes ils n'ont même pas prêché. Donc, faire très attention à ce que nous écoutons. Parce qu'une parole peut venir d'une manière subtile, bien arrangée, ouais, et t'emballer rapidement. C'est ça. Là, ça dépend de combien de fois tu as mangé maintenant au niveau, le niveau où tu es arrivé. Mm-hmm. C'est comme ça, les gens sont rentrés dans notre maison ici. Mm-hmm. C'était fort. Ah, ils voulaient, ils sont venus dire qu'ils prêchaient la sainte doctrine, mais on s'est séparés en queue de poisson. Ils sont allés de leur côté, à leur voiture, de la Paris jusqu'à ici. Ils vont venir nous enseigner la saine doctrine. Mm-hmm. Mais ils se sont retournés eux-mêmes là-bas à leur saine doctrine. Mm-hmm. Parce que c'était une autre saine doctrine. Une saine doctrine où on attache, on porte pantalon, on met les maquillages, les femmes, on les ont comme les tigres. Ils viennent s'asseoir ici pour dire que vous avez enseigné la saine doctrine, que oui, on peut pécher. On est sous la grâce, Dieu ne regarde pas cela. Vous êtes une fois sauvé, c'est fini. Mm-hmm. Il vous purifie par sa parole. Il mm-hmm. faisait sortir des versets où il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Mm-hmm. Donc c'était un truc comme ça. Mais si on avait prêté l'oreille à cet évangile qu'ils étaient venus annoncer, ils nous avaient emballé comme ça déjà. Donc fais très attention à ce que tu écoutes. Et c'est simple de rester seulement sur ce que tu as déjà reçu. Fondements qui ont été déjà posés à l'intérieur de ton cœur. Tu es au courant de tout. Il n'y a pas quelque chose que tu ne sais pas concernant les Écritures. Il y a quelque chose qui est difficile, point difficile, que tu ne sois pas encore bien éclairé dans ton esprit. Tu dois poser des questions. Et quand tu poses des questions par la grâce de Dieu, il y a toujours des réponses. Et il y a beaucoup de réponses aussi qui ont été déjà données dans les enseignements. C'est beaucoup aussi écouté. Parce qu'on a déjà... cette lumière-là qui continue à éclairer. On ne peut pas chercher une autre lumière encore qui va éclairer. C'est pourquoi je suis déjà carré. Je peux écouter quelques enseignements, mais mon esprit est toujours comme ça, en train de trier. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Et ça ne peut pas me renverser, en fait. Pareil, c'est que où je suis fixé, là, les racines sont très, très profondes. Donc, ayons ces pensées-là et veillons vraiment à ne pas écouter du n'importe quoi. Tu peux écouter au-dessus des évangiles qui sont très subtils. Moi, j'étais là une fois en train d'écouter un prédicateur et tellement il parlait bien, j'ai dit, mais avec tout ce qu'il est en train de parler là-haut, moi, je veux voir la vie de ceux qui l'écoutent en fait. Je veux voir la vie de ceux qui écoutent la personne qui prêche. Parce que si tu es en train de prêcher à des gens qui t'écoutent, Tu dis la vérité, tu parles fermement. Mais et ceux qui t'écoutent là, comment ils sont? La transformation dans leur vie. Mm-hmm. Parce que quelqu'un dit il est dans un champ en train de défricher, n'est-ce pas? On doit aller voir le travail qu'il est en train de faire pour voir s'il a fait tomber les cacaoyers, s'il a fait tomber les mauvais arbres, s'il a fait tomber tout ce qui est mauvais. On va aller voir s'il a fait tomber et qu'est-ce qu'il a planté qui est en train de pousser dans le champ. J'étais là, il réfléchissait quand il regardait, il dit, mais je regarde, je ne vois rien, je ne vois pas de changement. C'est quelle vérité il dit qui ne vient pas trancher l'âme, moi les jointures, qui ne vient pas séparer. C'est quelle vérité qui ne sépare pas. C'est que ce n'est pas accompagné de la puissance du Saint-Esprit, c'est simple. Enfin, c'était accompagné de la puissance du Saint-Esprit, ça allait faire son travail. Amen. Et il a coupé court comme ça, il dit, ok, je vois maintenant des gens qui ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, qui prêchent, où ça n'a pas d'effet. Mmh. Ils sont très éloquents. Donc, soyons beaucoup vigilants sur ces points-là aussi. Mmh. Frère Frédéric est là. Parce qu'il y a tout un thème de Marie aussi. Hein. Les gens vont parler qu'il y a la Bible. Marie a écrit une Bible. Les adeptes de Marie, qui croient en Marie. Donc, faut faire très attention vraiment à ce qu'on écoute, à ce qu'on entend là dehors. Et ça peut parfois nous mettre des doutes. On commence à se poser des questions. Mais bon, ta question n'est pas mauvaise. Dans le même passage, même quand on finit là, il va continuer dans Galates en train de dire les mêmes choses. Dans le premier livre de Galates, il va dire les mêmes choses là-bas encore. Allons-y dans Galates chapitre 1, verset 6. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Continue. Non pas qu'il y ait un autre évangile, oui, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Tu vois un peu? Continue. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Tu vois, là, frère, oui. C'est l'évangile qui a été annoncé par moi, mais pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je Par là, au moins, quand on voit pour l'apôtre Paul et pour nous, il y a une différence. Parce que nous, aujourd'hui, on est en train d'apprendre cet évangile-là. Mais lui, il a reçu de Christ. Donc, c'est cette différence-là qui se place un peu là. Sinon, un autre évangile, on ne peut pas prêter nos oreilles à un autre évangile. Et il faut que nous ayons le discernement aussi. Si on n'a pas le discernement, tout ce qu'on va venir nous dire, il faut qu'on sache trier. Il faut que le Seigneur nous aide vraiment à rejeter ce qui n'est pas de lui. Il faut qu'il nous soutienne dans ce discernement, pour savoir si ce qu'ils sont en train de dire là, si c'est de lui ou c'est pas de lui. Si c'est de lui, c'est oui et amen. Si c'est pas de lui, il n'y a pas amen dedans. Parce que s'il dit amen, c'est comme tu es d'accord. Maintenant, tu sais, ma sœur, maintenant, tu sais, quand cette même personne prochainement va revenir autour de toi, surveille. Surveille où est-ce qu'il veut entrer encore. Parce que comme il n'a pas eu ce qu'il cherchait, et que le diable, c'est un guerrier, il ne laisse pas tomber cette chose, tu vas voir qu'il attendra à une prochaine occasion et il va encore essayer de placer encore un autre mot pour voir. Maintenant, tu sais, donc, tout ce qu'il va dire, maintenant, tu seras plus surpris. Maintenant, tu vas maintenant attendre maintenant mais où est-ce que tu veux en venir au juste? C'est ça. Tu vas lui demander maintenant, et puis quoi maintenant? Tout ça, là, on sait, il y a des milliers de livres qui ont été écrits, et puis quoi? Mais il y a un seul sauveur dans tout ça. Et ça, c'est Jésus le Christ. Si tu ne crois pas en lui, alors c'est fini. Tu es foutu. Là, tu mourras dans ton péché. C'est tout. Est-ce que les autres évangiles dont vous parlez, est-ce que ça nous emmène vers le Christ? Sinon, alors, ce n'est pas là le salut. Tu peux lui répondre comme ça. Si les autres évangiles nous parlent des personnages, des différents personnages, tout ça, tu lui dis que mais bien qu'il y a d'autres livres aussi qui parlent de beaucoup de personnages, il y a des grands de la terre où on parle d'eux, tout et tout. mais ça ne peut pas apporter le salut. Parce que le problème ici, c'est, il est question de notre âme, il est question de notre salut, et c'est sur ça qu'ils se disputent les deux. Soeur Christiane Yanka, bonsoir. Elle est là. Oui, bonsoir, mon frère. J'ai coupé mon micro, bonsoir. Vous allez bien? Très bien, très bien, ma soeur. Très bien, merci. J'ai béni. Hein. Moi, j'ai une autre question. Oui. Zacharie 4, verset 14. Je lis. Merci, Katon. Et il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Qui sont ces deux oins? Le 14 ici. Est-ce qu'il là, il ne parle pas des deux poumons? Bah si, c'est vrai. Les deux témoins. La capon est un peu plus haut, elle va comprendre. Je parle des deux témoins là, ici. Ici. Les deux témoins dans l'Apocalypse parlent. Est-ce qu'elle a pris ça un peu plus haut et puis, pour prendre un peu plus haut pour comprendre, savoir qu'il s'agit de deux. Ouais. Les deux témoins. C'est ça. C'est de ça que l'Apocalypse nous dit. Les deux qui nous crèchent encore. Mmh. Les deux joints là, ce sont les deux, c'est ce qui se trouve dans Apocalypse chapitre 11 là. Les deux témoins. Oui, oui. Va prendre Apocalypse chapitre 11. Précisément verset 3, mais commence au verset 1. On lui donna un roseau semblable à une berge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adhèrent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 ans. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Continue. Ils sont que. Frédéric, ton père. Le micro de Frédéric a ouvert. Voilà. Bon, question à mon frère, tu peux continuer ton discours de tout à l'heure. Oui, Jean-Marie, t'as pas la nourriture pour nous Allons un peu dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. À partir du verset 10. Je lis. Jusqu'à 14. Hein. Oui, oui. Au reste. Je peux lire? Oui, oui, tu peux lire, ouais. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes sortes d'armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toute l'âme de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Et maintenant, il y a dit 14. On peut s'arrêter là. C'était pour revenir un peu par rapport à ce que la sœur a parlé tout à l'heure. Il faut tenir ferme, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, et nous voyons que on a des ennemis qui sont très très puissants. Donc là on parle du verset 12, non pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. C'est déjà un groupe, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Donc ça vient de toutes parts, en fait. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous demande de tenir ferme. Parce que ça vient de toutes parts. Donc, vous pouvez imaginer un peu, quand on est chrétien, la guerre qu'on peut avoir. Donc, parfois, on peut avoir des incompréhensions avec des personnes. Et on croit que ce sont vraiment ces personnes-là. Mais souvent, ces personnes sont influencées par les esprits, ou par les autorités, ou par les dominations. Et si on ne tient pas ferme par rapport à ce que la parole nous dit, on va toujours être influencé être découragé, être découragé et subir. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans la vie des chrétiens, nous ne faisons que subir, on subit beaucoup. Et quand on a fait le choix de suivre Christ, c'est très très difficile. Donc à chaque fois que je lis ça, j'essaie toujours de me dire que quand je rencontre des difficultés dehors, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille, je ne dois pas vraiment combattre contre ces gens-là. J'essaie de comprendre que ça ne vient pas de quoi. Parce que j'ai eu à expérimenter ça dans ma famille, avec mes frères et sœurs. Parfois c'est la division. Et des fois je me dis mais j'arrive pas à comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre. Tu vois que tu sors du même ventre que ton frère ou ta sœur, mais vous êtes totalement opposés, totalement différents, complètement différents. Et donc, si on n'est pas plongé dans la lecture, comprendre que c'est... qu'on n'a pas à combattre contre eux, mais qu'on a des ennemis invisibles qui sont au-dessus de nos têtes. Si on n'a pas la parole avec nous et les armes qu'on doit se revêtir, vraiment on subit, on va vraiment subir. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Il faut tout le temps être dans la prière, dans la lecture de la Bible, c'est très très important. Parce qu'au début j'avais beaucoup de mal à lire. Et à comprendre. Aujourd'hui, avec les enseignements du frère Junior, ça m'a beaucoup aidé vraiment à comprendre beaucoup de choses quand je lis la Bible. Et avant, je croyais que c'était un livre, que la Bible, c'était un livre qui parlait, un livre des hommes qui parlait de Dieu en fait. Mais non, c'est le contraire. C'est un livre de Dieu qui parle aux hommes. C'est une inspiration divine. C'est pour ça que nous devons vraiment tenir ferme. Parce qu'on n'a pas... à vraiment à lutter contre la chair ou le sang. Quand on voit les dominations et quand on regarde Colossiens. Attends un peu. Chapitre 1, versets 15 à 17. Je lis. Ouais. Tiens 1, du verset 15 au verset 17. Ouais. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, on a été créé. Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Ouais, tu peux t'arrêter là. Et nous voyons ici que en Jésus, tout a été créé en Jésus. Les visibles, c'est ce qu'on voit. On se voit tous, tout ce qu'on voit aujourd'hui. Mais les invisibles, on ne les voit pas. Ce sont les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Ça revient toujours, les dominations, les autorités. Et ce sont nos ennemis. On peut imaginer quel pouvoir ils ont. Quelle influence ils peuvent avoir. Si on n'est pas vraiment ancré en Christ, on sera tout le temps ballotté, perturbé, désorienté, combattu et vaincu même à chaque fois. Donc prenons vraiment garde de ne pas se relâcher, d'être plongé dans la parole, dans la méditation, dans la prière. Pour ne pas fléchir. Paul Frère Junior. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous pour essayer de vous demander de ne pas relâcher, de vous encourager de continuer. Merci, frère. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Que la grâce, la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Je vous écoutais avec intérêt, avec de manière religieuse là. Que le Seigneur vous bénisse pour tout le travail que vous abattez. Merci. La sœur Reine, bonsoir. Bonsoir mon frère. La sœur Christiane, bonsoir. Bonsoir. Notre bien-aimée sœur Carole, bonsoir. Toujours zagué dans tous les coups de fil. Bonsoir. Dans toutes les directions. Le frère Frédéric, bonsoir. Et notre bien-aimé, le frère Jean-Marie. Bonsoir frère. Mm-hmm. Je crois que la soeur, vous avez abordé un sujet. Ah, le couple très bonsoir. Bonsoir. C'est comment? Oui, ça va. Assez, Carole. Ça va? La grâce de Dieu, en fait. La sœur Suzanne, bonsoir et bienvenue. C'est le pain sans levain. Non, ça avait de levain, c'est pas la période ici. La sœur Suzanne est là. Ok, l'enfant dérange. Manuel la dérange comme Emmanuel a pleuré ici. Bon, est-ce qu'on peut commencer? J'aimerais qu'on reprenne le thème que notre bien-aimée, je ne sais pas où la sœur Reine se trouve. Elle a coupé sa vidéo. Ma vidéo est coupée. Bon, c'est moi qui l'ai. Vous voyez sa vidéo, vous aussi? C'est bon? Est-ce que vous me voyez maintenant? Là maintenant, on te voit. Et voilà, assise là. On ne voit pas Frédéric, on ne voit non plus Frère Jean-Marie. On ne voit pas la sœur. Maintenant, ça. J'aimerais qu'on aborde le thème, ce qu'elle a posé comme question dès le départ, parce que elle a touché un sujet qui est sensible, et donc je crois que c'est le moment même qu'on touche ce genre de thème, celui des évangiles apocryphes, des livres apocryphes de la Bible, et la confrontation avec ces différentes idées qu'on a reçues et qu'on continue à véhiculer, beaucoup de personnes continuent à véhiculer, qui déroutent beaucoup de gens justement. Comme elle, beaucoup de personnes vont tomber sur des gens qui vont dire effectivement que votre livre que vous avez n'est pas l'authentique. Pourquoi vous avez différentes versions? Si vous tombez entre les mains des musulmans, ils vont avoir plusieurs versions différentes de la Bible. La Bible Tob, Ostéval, ainsi de suite. Ils vont vous prendre des passages dans le livre de Tob qui ne se retrouvent pas dans le livre du second. Et prendre même dans le livre du second qui ne se trouve pas dans le livre second 21, mais dans le livre second de 910, ainsi de suite. Il faut qu'on lève le pan des voiles ce soir et on dit de quoi il est question tout autour, d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Si vous n'êtes pas d'accord, on continue avec oui. Donc la première chose que j'aimerais dire, oui, c'est ok. Donc je crois que c'est mieux d'arrêter la musique qui est en fond sonore, comme ça on puisse partager tranquillement, d'accord frère? Voilà, maintenant vous m'entendez sans cette musique de en fond sonore, n'est-ce pas? Oui. Pendant que je vous écoutais parler, ça me donnait vraiment de la joie au cœur pour qu'on puisse parler de cela. En réalité, regardez très attentivement que les caractéristiques des sectes, des sectes pernicieuses, c'est on embrigade les gens et on les empêche de regarder à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on les embrigade en les empêchant de regarder à l'extérieur, à une autre voie. Or, la Bible déclare justement que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible dit, parlant de la secte du Seigneur Jésus-Christ, que maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus dans le livre des Colossiens au chapitre 2, le verset 6 et à 8, il dit « marchez en lui ». Ça veut dire que lorsque nous sommes en Christ, il y a un carnaval qui est tracé pour nous. Et ce carnaval-là, Jésus notre Seigneur dit « si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous ». Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, on a un inter-échange entre nous, notre cœur et la parole de Dieu maintenant. Désormais, notre destinée. Notre vie, notre style de vie, notre style de pensée doivent être orienté à la direction du Seigneur. Je dois penser comme le Seigneur. Je dois marcher comme le Seigneur le veut. Que ça plaise aux gens ou pas, que les autres pensent n'importe comment, je dois marcher comme lui il veut. La différence entre ce style de pensée et le style de pensée du Seigneur, c'est que dans le style de pensée des gourous et des sectes, c'est que les sectes-là font le temps qu'on suit les formules de leur secte. Or, ici, Jésus dit qu'on doit le suivre parce qu'en réalité, les sectes s'étaient détenus la vérité, d'où la naissance des évangiles cachés dont on va citer tout à l'heure. Et lorsque ces choses-là sont dites que nous avons la vérité ici, et on dit que ces vérités sont accessibles seulement aux initiés, ça devient une problématique parce que Jésus se présente comme étant la vérité. Jésus ne dit pas qu'il détient la vérité. et que cette vérité elle doit être révélée à d'autres personnes. Donc lui, il est la vérité. Si vous connaissez qui est Jésus, automatiquement vous avez accès à la vérité. Donc c'est Jésus, la vérité. Or, dans les sectes, il est question de venir dans l'initiation pour avoir accès aux connaissances qui pourraient vous avoir dans les univers que vous allez découvrir, vous découvrir vous-même, découvrir votre destinée. Vous voyez la subtilité des sectes, mais qui marchent en parallèle et trop, tellement resserrés vers la Bible, au point où on peut confondre cela à la Bible. Donc, ça veut dire qu'il est important que nous examinions cela dans le plus grand sérieux. Si vous le voulez bien, si la connexion est bien, je prouve, mais qu'on prenne tout le temps qu'il est nécessaire ce soir pour l'observer. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Prenez donc les stylos, on va lire. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. On y va, frère. Alors, la première chose qu'on doit savoir, ce soir, j'espère que si quelqu'un ne m'écoute pas, c'est pour ça que je voudrais que tous les vidéos soient ouverts, que je vous regarde dans les yeux pendant qu'il parle. Il ne faudrait pas qu'il soit ici à la maison en train de parler seul. La première chose à savoir, c'est incontestable, incontestable sur le plan de la littérature. La Bible est le livre le plus lu depuis les temps. La Bible est le livre le plus lu depuis tous les temps. Donc, la Bible, c'est le livre qui est le plus consulté dans le monde. Ça, c'est un record établi par eux-mêmes, ceux qui font des statistiques. Le livre le plus bandit, le plus distribué. Alors, c'est tout naturel qu'il soit attaqué parce qu'en lui se trouvent révélées les voies du Seigneur. D'être tel qu'on va voir maintenant dans les Saintes Écritures. On va aller dans les Saintes Écritures, on va regarder là-dedans. L'autre chose à savoir, souvenez-vous, j'ai dit, la Bible, c'est le livre le plus lu, le plus répandu sur toute la terre. Maintenant, et encore, de toutes les façons, ils ne battront jamais ce record-là. Ils ne battront jamais ce record-là. Maintenant, la deuxième chose, c'est la façon de procéder de Satan n'a pas changé. Depuis la Genèse, il a toujours attaqué la parole. Quand Dieu a donné une parole, il vient toujours attaquer cette parole-là. Et de ces principes-là, depuis la Genèse chapitre 3, si vous regardez à partir du verset 1 de Genèse chapitre 3, la Bible déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, regardez la Bible de l'époque, vous avez vu cela, non? Vous avez vu, Dieu a-t-il, vous pensez que c'est la vraie Bible, c'est la vraie version ça? Tu sais, est-ce que tu sais que ça a été biaisé? Est-ce que c'est même la vraie analyse? Tu es sûr qu'en lisant comme ça, tu comprends? Tu es même sûr que tu as bien compris même ce qu'il voulait dire? Vous voyez, n'est-ce pas? La technique d'antan n'a pas changé. Alors, quand Satan dit, quand le serpent dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit tu ne mangeras point? Qu'est-ce qu'il a de vouloir dire alors que la parole de Dieu dit exactement que tu ne mangeras point? N'est-ce pas si vous comprenez? Quand la parole de Dieu dit, il n'y a plus rien à contester, ni rien à raisonner. On doit faire tel que c'est écrit, tel qu'il a dit et oublier tel quel. Maintenant, le simple fait de poser la question, écoutez ceci, le simple fait de poser la question sur la parole de Dieu donnée au premier couple humain montre que désormais sa fondation est mise sur place pour réquestionner la parole de Dieu plus tard. Mm-hmm. Et donc, c'est tout naturel, tout naturel que, au fil des temps, la parole de Dieu a été challengée. Au point où sa grande religion qu'il a créée sur la terre a même dû sortir certaines techniques pour pouvoir faire éloigner les gens. Que si vous lisez toute la Bible, vous allez devenir fou. On a vu des gens qui ont fait toute cette Bible, sont devenus fous. Si tu tapes ça sur la tête 7 fois, vous allez devenir fou. Dans la Bible, il y a les passages pour faire la magie. Il y a des passages des incantations. Au point où on faisait jurer les gens sur la Bible, on mettait des mèches à l'intérieur pour tourner. Que ça tourne, c'est tel qu'il y a fait. Vous voyez ce qu'il en est. Pourtant, la Bible déclare que la parole de Dieu est pure. Amen. Oui. N'est-ce pas ce que vous saisissez? Vous permettez vraiment qu'on aille doucement ce soir. On prend le temps qu'il va falloir pour épiloguer cela. On prend le temps qu'il va falloir pour épiloguer cela. Alors, la première chose à faire, c'est que Lucifer a toujours, dès le début de l'enfantement de l'humanité, intenté justement la déstabilisation de la parole. Et c'est ça que Genèse chapitre 3 nous montre. Lorsqu'il a déstabilisé la parole, il peut désormais mettre sa machine en jeu. Parce que la Bible nous montre clairement que c'est lorsque la parole a été déstabilisée que le péché est entré. Donc cette technique subtile-là montre clairement que lorsque vous êtes déstabilisé à la parole, le doute va s'installer. Le but, c'est le tout. Le but, c'est ça. Souvenez-vous de cela. Le but ultime de Satan, c'est ça. Vous faites douter de la parole. Pourquoi il le fait? Vous voulez savoir pourquoi, frère? Oui. Allons-y dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Ouvrez Éphésiens chapitre 6 dont le frère vous a dit tout à l'heure de lire. Que le Père vous bénisse et bénisse tous ceux qui écoutent ces enseignements. Je suis vraiment content de vous. Je suis vraiment content de vous. Même si j'écoute cette terre, ils n'oublieraient jamais. Et c'est qu'on va se rencontrer très certainement. Éphésiens chapitre 6. Vous y êtes, verset 12, 13, 14, 15. Allez-y, lisez. Ça veut dire qu'il faut vraiment manger du pain. La Bible déclare que c'est le pain de vie, on ne peut pas faire autrement. Il faut manger du pain de vie. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. La sœur Annie, je ne sais pas pourquoi ta connexion, ton son n'est pas toujours clair, comme les autres, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si là où tu habites, c'est sous le dalle ou bien, je ne sais pas, parce que le son qui sort de chez le frère est différent du tien. Ou mieux, je ne sais pas si tu es éloigné de ton interface de communication. Son son n'est pas fluide. Quand la sœur Suzanne parle, son son est clair. Et je crois que la sœur Carole, tu peux parler, je vois. Je ne sais pas. Oui, frère. Oui, vous voyez, son son également est clair là. Je veux quelqu'un qui a le son clair pour qu'on puisse saisir, parce que je suis en train de préparer le pain, de vrai pain là pour vous. Donc il va falloir que j'écoute véritablement. Oui, frère. Oui, allons-y, lis, ma soeur. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, oui, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde ou des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y a un retour, mon frère. Il y a quelqu'un qui a ouvert son compte, un autre compte. Il y a deux appareils qui sont ouverts, c'est tellement. C'est vraiment désagréable. Désagréable. C'est bon? Oui, ça va. Là, c'est bon, oui. Merci. Oui. Alors, je reprends le verset 13. Oui. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen, c'est bon. Faites-en. C'est bon. Amen. On dit qu'on prend, qu'est-ce qui est l'épée de l'esprit? La parole. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Donc, le bouclier, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Et avec le bouclier de la foi, qu'est-ce qu'on peut faire comme arme? Éteindre les traits enflammés du mal. malin. Et la foi, là, doit être reposée sur quoi? Sur la parole. Sur la parole. Donc, on voit effectivement que il dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ça veut dire que ces esprits-là, pour aller les confronter, tu dois être enraciné dans la parole. Maintenant, comment faire pour eux? Il faut qu'ils vous fassent douter de votre âme à vous. C'est ça. Si parvient à te faire douter de ton âme, tu ne peux plus t'en servir. Ce sera terminé comme ça. Vous voyez la stratégie, n'est-ce pas? Oui. Donc, il faut faire attention pour que dès votre séjour sur cette terre, c'est que vous ne fassiez pas cette bêtise-là d'abandonner la parole. Mm-hmm. Alors, deux choses sont dites ici dans ce passage. Le bouclier de la foi avec lequel on pourra éteindre tous les traits enfermés du malin. Si vous avez le bouclier de la foi, ça montre que la foi est installée dans vos cœurs par le Saint-Esprit au travers de sa parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si on te fait douter de la parole de Christ, forcément, tu n'auras pas le bouclier de la foi pour pouvoir éteindre tous les traits enfermés du malin. Et c'est pas ce que je me saisissais. Maintenant, de l'autre côté, on dit l'épée de l'esprit. C'est le couteau, si vous voulez. Le couteau, le soin que l'esprit utilise, c'est la parole. Et Jésus, notre Seigneur, dans Jean chapitre 6, que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Comment faire pour que ce couteau ne fonctionne pas? Il suffit de faire le rester dans son fourneau. Ou bien te faire comprendre que ce couteau-là, c'est le plastique. Ou bien ça ne sert à rien, ça tensionne, ou ça ne fonctionne, ou ça ne fonctionne pas. Voilà donc la technique, voilà pourquoi toutes ces choses sortent maintenant. Vous ne vous rendez pas compte que plus les hommes se développent, que ce soit sur un plateau de télévision, que ce soit sur un plateau de débat. S'il y a 7 personnes qui débattent, l'objectif premier, ce sera de descendre Christ, ou bien disgracier les chrétiens, ou bien la Bible. N'avez-vous pas remarqué cela? Si. N'avez-vous pas remarqué qu'on peut tolérer quand même que dans une République française dite laïque, qu'il y ait quand même le débat sur la laïcité? Mais on ne peut pas débattre sur quelque part où vous parlez de votre religion, vous ne pouvez pas parler de Christ. Si vous vous attachez le foulard en tant que chrétien, on va vous marginaliser. Mais pour les musulmans, c'est encore tolérable. Parce qu'eux, ils sont dans le même camp. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous pouvez voir justement dans un hôpital, vous travaillez dans n'importe quel endroit, les musulmans vont à 13h le vendredi. On sait effectivement que 13h le vendredi, ils doivent aller prier. Ils peuvent faire 5 prières par jour, ça ne dérange pas. Mais si toi, tu lis seulement la Bible dans ton lieu de service, ça pose problème. Oui. Vous voyez qu'on a des problèmes, n'est-ce pas, frère? Parce que c'est l'épée de l'esprit là-bas. Il n'est pas dit que le Coran, c'est l'épée de l'esprit. Il se passe sur ces ici. Amen. Alors, il est temps que nous examinions. Bon, la sœur, comme tu es la reine là, que le Seigneur te bénisse pour cette préoccupation. D'accord. Amen. Mm-hmm. Voilà. Dans une des émissions que nous avons fait sur Dynamique, je ne sais pas si c'est Dynamique ou c'est Dynamique Infâme, sur quelle est la bonne version de la Bible. Aux conclusions, j'avais dit que la véritable version de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et vous allez tourner sur la tête, vous allez y revenir, parce qu'en réalité, vous avez le Saint-Esprit, il vous confirmera ce qu'il a dit. Vous allez écouter sa voix, et sa voix sera toujours conforme à ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit peut être incompréhensible pour les êtres humains. Vous pouvez lire dans la Bible, on dit Jochabed a fait telle ou telle chose, vous ne savez pas pourquoi c'est mis là-bas, mais le Saint-Esprit a l'interprétation, jusqu'à ce qu'il amène cela en lumière. Mes frères, vous m'entendez, n'est-ce pas? Amen. Donc, j'avance en résumant. J'ai dit dès le départ ici, d'après Genèse chapitre 3, le verset 1 et suivant, la Bible déclare que le serpent était l'animal des champs le plus rusé que l'Éternel notre Dieu avait fait. Pas vrai? Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ceci présente justement sa façon d'agir, qu'il va attaquer la parole. Et notre grand frère, l'apôtre Paul, va dire dans Galates chapitre 1, verset 6 à 7, il dit qu'il s'étonne du fait que les gens s'éloignent déjà de l'évangile qu'il a prêché pour s'attacher à encore un autre évangile. Puis il dit que pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et ils veulent renverser. Vous avez vu cette volonté de Satan, n'est-ce pas? Veulent renverser l'évangile de Christ. Puis il dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, autre que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Vous avez vu cela? Par conséquent, c'est que Satan avait dit dans Genèse, il a dit de répéter. Enfin, c'est en plein dans les Saintes Écritures. C'est partout, c'est dans les Saintes Écritures. Vous parlez tout à l'heure de Zacharie. Regardez Zacharie chapitre 3, ce qu'il va faire à Josué, le souverain sacrificateur. En l'amenant dans l'accusation devant le Seigneur. Pourtant, il avait la tiare, mais sale. C'est plein dans les Saintes Écritures. Alors, nous allons examiner ce soir. J'ai dit, je suis en résumé pour avancer. Et maintenant, nous sommes allés dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous avons vu clairement que le pourquoi, de façon historique, Satan est en train de vouloir déstabiliser les chrétiens vis-à-vis de la parole. Parce que c'est la fin. Il va falloir qu'il fasse tout et tout pour déstabiliser les gens dans leurs pensées, dans leurs croyances. Parce que c'est par l'épée, par l'esprit, qu'on parvient à le vaincre. on ne peut pas tenir ferme face à l'adversité sans que si vous n'êtes pas enraciné dans la parole. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas la parole qu'on le veut. Quand il est venu dans l'adversité pour tenter le Seigneur, Jésus a dit, il est écrit, en citant les saintes écritures que nous avons là. Quand Jésus entrait dans le temple, dans la synagogue, dans Luc chapitre 4 à Capernaum, on lui a donné le rouleau du livre d'Isaïe. Il a ouvert l'endroit que nous trouvons aujourd'hui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc il a lu le même livre des prophètes et des Torah que nous avons aujourd'hui. N'est-ce pas, frère? Est-ce que les gens sont amen. Ici? Je crois si, que... Amen. Mm-hmm. Ok. Il faut que je sois sûr que vous m'entendez. Alors, je recommence encore. Le livre de la Bible, c'est le livre le plus lu du monde. C'est lu même par les satanistes parce qu'il faut qu'ils parlent. Même les contradicteurs, de la Bible sont obligés de lire. C'est tellement grave que même les musulmans maintenant doivent lire pour dire que Jésus a dit comme ça, vous faites comme ça. Ils sont obligés de lire. Mais que ce soit pour nous contredire ou que ce soit pour ne pas contredire, il n'en est pas moins qu'ils lisent. Et ça n'a pas commencé également aujourd'hui parce que Jésus a dit aux pharisiens qu'il passait la nuit, partait dans la nuit pour lire, pour venir dans le jour pour le contredire. Ça n'a pas changé. Vous sondez les écritures, croyez avoir en elle la vie, mais c'est écrit en témoignage de moi. Donc, vous voyez, quelqu'un va aller dans la Bible, il dit qu'il veut lire dans la Bible pour le prouver aux chrétiens là que Jésus n'est pas Dieu. Mais il va lire là où Jésus est Dieu, il va dire que non, ça, il faut que ça dise autre chose que cela. Mais venez dans le matin, cherchez plutôt les versets tels que il a dit le Père est plus grand que moi. Le Père est plus, pourquoi est prié le Père qui était dans le ventre. Ok, tu veux me dire que Jésus qui courait là-bas quand il était petit en de naissance, c'était Dieu. Avant que pourquoi il pleurait à la croix que je. Vous voyez, ce sont les versets comme ça qu'il va aller voir, mais il n'en est même pas même qu'il va lire sur Jésus. Un autre de l'air à Corinth va dire que Jésus n'a même jamais existé, que le Jésus qui venait à 2000 ans, c'est un faux Jésus. Un autre va encore sortir pour dire que Jésus n'a jamais été crucifié. C'est toujours dans la Bible, comprends. Qu'il peut être prouvé par la Bible que Jésus n'a jamais été crucifié. C'est toujours dans la Bible qu'il va prendre. Un autre va sortir dans la Bible que il y a même un verset biblique qui dit que Jésus a été homosexuel. Il va toujours prendre dans la Bible. Il vous avait dit, les hérésies sortent de la Bible. Il était marié. Quand il était marié. On peut vraiment parler ce soir sans que vous ne soyez choqués, non? Oui, oui. Ok. Donc, en tout cas, que ça vous choque, c'est quand même la vérité. Vous allez faire comment? Il y a des gens qui disent aux gens qui considèrent que si vous êtes mes bébés, vous êtes mes pères, je suis votre père spirituel, écoutez seulement mon enseignement, je ne fais jamais cela. Vous êtes libre en Jésus-Christ de Nazareth, sachant que c'est lui qui vous a connecté là. Vous êtes libre. Donc, ce que vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Vous voyez cela? Vous allez manger quelque part. Si quelqu'un vous donne le ndolé, vous dites que le ndolé n'est pas bon, vous allez mettre le piment là-dessus, ça vous chauffe, c'est votre problème. Bergine dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Donc, on peut vraiment commencer là maintenant, n'est-ce pas? Oui. Alors, souvenez-vous de ceci. La Bible parle des autres livres de la Bible qui ne se trouvent pas dans la Bible. La première chose. Pardon? Oui, c'est ça que je viens de dire. Ouvrez vos... Vous me voyez, non? Oui. J'ai dit, la Bible parle des autres Bibles, des autres livres de la Bible qui ne se trouvent pas dans la Bible. C'est la première chose que vous devez savoir avant qu'on avance. Si vous dites, hein, je vous donne le verset. Je n'ai pas encore bien rentré. Bon, je vais aller doucement encore. J'ai dit, dans votre Bible, la Bible parle des autres livres qui ne se trouvent pas dans le livre. Et je vais vous dire le pourquoi Dieu a fait comme ça. La sœur Christiane, ça va, n'aie pas peur. Votre Bible est bonne. Lisez telle que cela. D'accord. Pourquoi alors? Pourquoi quoi? Tu parles en pourquoi? Il faudrait pas que tu vois là où c'est écrit. Que Dieu notre Père vous bénisse. Amen. On va travailler. J'espère seulement que la connexion va nous permettre de travailler, d'accord? Mm-hmm. Ouvrons le livre de Josué. On s'amuse d'abord un peu là-bas. On y va. Notez Josué chapitre 10, verset 13 et 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Vous allez me lire ce qui est écrit. Comme les gens sont trop forts là. Quand vous êtes fini de lire, je vais vous poser des questions. On y va. Merci Christian. Je crois que, s'il vous plaît, dès qu'on finit de travailler chaque fois, faites le résumé sur votre site, sur votre forum, pour que les gens qui ne sont pas là puissent lire. Aujourd'hui, nous parlons de l'attaque de la Bible. La Bible a-t-elle été modifiée? La Bible que nous avons aujourd'hui est-elle authentique? Ainsi de suite. D'accord? Formulez comme vous voulez formuler. Alors, ouvrez Josué chapitre 13. J'ai dit quoi? Chapitre 10. Josué chapitre 10. Le verset 13. Je veux quelqu'un qui a la bonne connexion pour pouvoir lire cela. Le frère Frédéric, tu as la caméra aujourd'hui, c'est fort. Que le Seigneur te bénisse. Donc, souvenez-vous, si vous prenez le livre des catholiques, vous allez voir qu'en plus des 66 livres que vous avez, il y a le livre de Tobie. Il y a le livre de Judith qui sont ajoutés. Il y a le livre de 1 Maccabée. Vous m'entendez? Voilà, il dit donc en plus de votre 66 livres. Et dans un enseignement, je vais dire, je vais vous dire pourquoi c'est 66. Ce n'est pas 65 ni 60, combien, n'importe quoi, mais 66. Et je vais vous dire pourquoi c'est 4 évangiles. Ça ne peut pas être moins de 4 ni plus de 4. Je vais vous le dire. Le moment arrive. Alors, donc, le livre des catholiques, si vous prenez, je ne sais pas, j'ai ma version ici, Jérusalem ou bien Quatorbe, vous verrez qu'en plus de cela, en plus de 66 livres qui se trouvent, vous allez trouver le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de 1 Maccabée, 2 Maccabée, Sagesse, Ecclésiastique, Baroque, mm-hmm. les additions du livre d'Esther, parce que votre livre d'Esther finit au chapitre 10, et vous allez voir là-bas du chapitre 11 jusqu'au chapitre 14, et dans ces cas, la même chose également, enfin, jusqu'au chapitre 17, parce que ça part du chapitre 11, 12, 13, 14, 15 et 16. J'espère que vous m'entendez. Et puis vous avez aussi l'addition du livre de Daniel. Ça veut dire qu'il y a un autre livre de Daniel ajouté dans le livre catholique. Et ce livre de Daniel, ce n'est que. Il y a un chapitre 3 bis, et chapitre 14, chapitre 15, chapitre 13 et chapitre 14 dans le livre de Daniel. Parce qu'en fait, le Daniel que vous avez maintenant finit au chapitre 12. Là-bas, dans ce livre de catholique, là-bas, il y a le chapitre 13, chapitre 14, qui parle de cette Suzanne avec le grand dragon. Vous savez, cette supercherie-là, si vous lisez, ça se trouve là qu'il y avait une femme qui partait chaque fois. Il y avait les prêtres, quand on disait qu'ils avaient les prêtres qu'ils allaient manger, avant, on mettait la nourriture, ils allaient manger. C'est le sujet, on a mis les choses avec ces grosses serpents de Suzanne-là. Alors, donc, en plus des livres que vous avez, donc, vous avez Tobie, comme je dis, il y a Siracide, ainsi de suite, qu'on appelle Sagesse de Salomon. D'accord, mes frères? C'est ce qui se trouve dans le livre des catholiques. Maintenant, en dehors de ça, vous avez encore d'autres livres plus terribles encore. Je parle comme ça le temps que vous ouvrez votre Josué chapitre 10. Vous avez le livre de la naissance de Marie. Vous avez dans lui ça, l'évangile de la naissance de Marie. Vous avez entendu le pro-évangile, le pro-évangile. Non. Vous avez lu le premier épître de l'enfance de Jésus. Non. Vous avez lu l'évangile de Thomas sur l'enfance de Jésus. Non. Mais j'ai entendu parler de ces évangiles-là, okay. De l'évangile de Thomas, tout ça, mais j'ai pas lu. Vous avez déjà lu l'épître de Jésus-Christ et d'Agabrus, le roi d'Edessa? Non. Vous avez lu l'évangile de Nicodème, qui était d'abord appelé les actes de Pilate, Ponce Pilate? Non. Vous avez lu le credo des apôtres, pas ce que les catholiques font là, vous avez lu? Non. Vous avez lu les épîtres de l'apôtre Paul au Laodicéen, hein? Non. Les apôtres Paul au Sénécier et les lettres, la lettre de Sénécier à Paul. Vous avez lu cela? Non. Les actes de Paul à Thécla et Thécla. Vous avez lu? Non. Les premiers épîtres de Clément au Corinthiens. Vous avez lu? Non. Son second épître. Vous avez lu? Les épîtres générales de Barnabas. Vous avez lu, mes chers sœurs? Non, les épîtres d'Ignace d'Antioche aux Éphésiens, vous avez vu? Non. Les épîtres d'Ignace d'Antioche aux Traliens, vous avez vu? Non. Les épîtres d'Ignace d'Antioche aux Romains, vous avez lu? Non. Aux Philadelphiens, vous avez lu? Non. Aux Smyrnotes, vous avez vu? Non. La lettre d'Ignace d'Antioche à Polycarpe, vous avez vu? Non. C'est dans quelle Bible? La lettre de Polycarpe aux Philippiens, vous avez lu? Non. Les bergers de l'Herma, vous avez lu? Non. Le deuxième livre de l'Herma, qu'on a encore appelé les commandes de l'Herma, vous avez là lu? Non. Le troisième livre d'Herma, vous avez lu? Non. Là, on appelle ces similitudes. Vous n'avez pas encore lu? Non. Les livres, les lettres d'Hérode et Pilate, vous avez là lu cela? Non. L'évangile perdu à quoi d'après Pierre, vous avez lu? Non. Le deuxième livre d'Adam et Ève, vous avez lu? Non. Le premier livre d'Adam et Ève, vous avez lu, frère? Deuxième. Les psaumes de Salomon, vous avez déjà lu? Non, mais entendu pas. Le livre des autres de Salomon, vous avez lu? Non. Les lettres de l'Aristéa, vous avez lu? Non. Le lettre, le secret des Noc, vous avez entendu au moins, n'est-ce pas? Non, j'ai entendu pas le secret des Noc. Ouais. L'histoire de Haïka Haïfa, vous avez lu? Non. Le testament des 12 patriarches, vous avez lu? Non. Non. Le testament de Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Dan, Naphtali, Gad, Aser, Joseph, Benjamin. Vous avez lu? Non. Voilà non. Donc, si vous donc voulez vous perdre, donc, voilà donc le panoplie, le diaporama de tout ce que vous avez à l'extérieur de la Bible que vous avez actuellement. Il y a de quoi boire de l'eau. Il y a de quoi boire un coup d'eau. Il y a ce Christian. Tout ça là, les gens s'embrouillent ça dans le monde partout. On va aller doucement, ne t'inquiète pas. On va aller doucement. Frère, mais est-ce que Maccabée était disciple du Seigneur? Continue comme ça avec le Ponce Pilate. Voilà, on y va. Maccabée, ce n'est pas un homme, d'accord, mon cher. Bon, on y va. Maccabée, ce n'est pas le cadavre. Bon, c'est dans votre langage que c'est le cadavre. On y va. Okay. C'est de là où vous allez entendre maintenant l'ange de, un ange dit appelé ange Raphaël qui demande à, bon, de toute façon, je vous invite ce soir de qu'on lise. Alors, qui a la bonne connexion peut commencer maintenant. Je me sens vraiment bien dans ma peau maintenant des prédicateurs. Est-ce que la connexion donne ici? Vous m'entendez? Oui. Oui. Du chapitre 10, verset 13. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course oui. jusqu'à ce que la nation tirait vengeance de ses ennemis. Oui. Cela n'est-il pas écrit dans le livre juste? Vous avez entendu quoi? Le soleil s'arrêta. Ça va, ça va. Ça veut dire que l'événement dont on a raconté maintenant que Josué avait fait, dit soleil, arrête-toi sur Gabaon. On dit que c'est mentionné dans quel livre? Le livre du juste. Notez ça sur votre brouillon, le livre du juste. Le livre du juste. Dans toutes les listes des livres que Apocryphe dont je vous ai cité tout à l'heure, vous avez entendu le livre du juste dedans? Non. Parce qu'ils n'ont pas accès à cela. Ils ne peuvent pas mentir. Vous voyez, c'est ça. C'est pour cela que j'aime le Seigneur. Savez-vous qu'il y a les livres de malédiction que le Seigneur a demandé au prophète d'écrire et que personne ne connaît son contenu? Vous connaissez cela? Parler de ça, il y a les livres de malédiction même que les gens boivent. Ils boivent ça dans l'eau sans s'en rendre compte qu'il y a les malédictions dans l'eau. Vous savez ça? Ah, vous me regardez comme ça. C'est la Bible qui dit. C'est moi qui dis ça. Bon, je crois que les gens de la Belgique sont fatigués. Oh, vous êtes fatigués? Non, fatigué. C'est chaud aujourd'hui là, mais très tendu même. C'est très tendu. Si c'est très tendu, on prend une ponctuation musicale et on revient, n'est-ce pas? Assez Christian, ça va? Les musulmans comme ils sont. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Gardez ce que vous avez comme Bible. Gardez. En tout cas. Maintenant, souvenez-vous de ceci. D'après ce que nous avons lu dans ce livre de Josué, chapitre 10, verset 13, c'est l'histoire qui est retenue là-bas quand l'ange de ténèbres s'est présenté là-bas et il a donné cet ordre-là. Bon, c'est vrai. Il a donné cet ordre-là avec lequel Josué s'est tourné là-bas. L'ordre a été donné au soleil de s'arrêter sur Gabon. Le soleil s'est arrêté jusqu'à ce qu'ils aient combattu l'ennemi. Et là, même ce jour-là, Dieu a envoyé même les pieds du ciel pour frapper sur ceux qui fuyaient. Il a donné une grande victoire. Puis on dit que cette chose-là, cet événement-là, donc si vous voulez les détails de cela, c'est écrit et mentionné dans le livre du juste. Alors, je pose la question aux amateurs de la Bible n'est pas complète. Peuvent-ils nous montrer le livre du juste? Les questions que sont posées ont un sens. Parce qu'à la fin de compte, en fin de compte, on va prendre cette similitude ici pour poser la question autrement. Souvenez-vous à la sortie d'ici, d'accord? 1 Samuel chapitre 1, le verset 18. Vous allez voir plusieurs fois dans la Bible, on va parler du livre de la. Selon qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Selon qu'il est écrit dans le livre de la loi de Moïse donnant à l'Éternel. Vous souvenez, n'est-ce pas? Ou bien les gens s'y m'entendent même, ou bien ne m'entendent pas. De toute façon, que la grâce est. Pardon, frère. Vous ne répondez pas. Je vais bloquer la micro. Ok. Alors, 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Mais ce qu'il voulait dire, c'est quel qu'en soit ce qui se passe, Dieu est Dieu. Remarquez que dans le livre des. Alors, si on pouvait faire une étude comme ça, mais cette chose, je ne peux pas faire ça en interaction avec l'ordinateur parce que je vais mes frères et mes soeurs à côté de moi, face à face avec moi. Je garde cela pour moi dans mon cœur. Le jour où Dieu voudra qu'on se rencontrera, on fera. Ou bien dans n'importe quelle différente assemblée. Alors, je n'ai pas dit toutes ces choses-là comme ça. Alors, 1 Samuel chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Qui lit? Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Continue. Maintenant 2 Samuel. Si vous avez des stylos pour noter, vous notez, vous donnez beaucoup de passages, pas comme ça, on aura seulement à lire au fur et à mesure. Ça vous arrange, ça vous dérange pas. Oui. 2 Samuel chapitre 1, verset 18 maintenant. Je crois que c'est ça que je voulais vous donner là tout à l'heure. Là se trouvaient les trois fils de Seroudia. 2 Samuel chapitre 1, verset 18. 2 Samuel Et il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda dans le cantique de l'arc. Oui. Il est écrit dans le livre du juste. Donc, vous voyez, vous souvenez, c'est l'événement de cantique que David a chanté pour qui? Pour Saül et Jonathan, non? Si la mort de Saül et Jonathan. Mais vous avez le livre devant vous, je veux que vous compreniez le contexte. Jonathan et autres, on vient annoncer que Jonathan et autres sont morts au combat. Il a écrit un cantique. Et ce cantique, on ne se trouve pas dans les psaumes. On dit que ça se trouve où? Dans le livre de Juste. Dans le livre de Juste, qu'on a vu dans Josué chapitre 10 verset 13. Donc voilà donc un livre dont le nom est normalement donné dans la Bible et qui ne se trouve pas dans la Bible. D'abord frère, d'accord frère. On y va. Allons-y dans le livre des chroniques maintenant. C'est fort. Très fort frère. 1 Chronique chapitre 29 verset 29. Dès que vous êtes prêts, vous lisez. Livre de Samuel. Non. Il dit 1 Chronique. C'est ce qui est dit. 1 Chronique, chapitre 29, verset 29. Lisez ce que ça dit. Les actions du roi David, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre de Samuel, le voyant, dans le livre de Nathan, le prophète, et dans le livre de Gad, le prophète. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites là? Combien de livres sont mentionnés là-bas? Trois. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Dans ces trois livres qu'on a nommés, nous avons un qui se trouve dans la Bible, n'est-ce pas? Il y a le cas de Samuel qui parle de l'histoire de David, comment il a été oint juste à comment David a voulu le tuer jusqu'à ce que ça vieillisse ainsi de suite. Nous sommes d'accord, frère. Oui. Mais le problème, c'est qu'on a mis aussi que même le prophète Nathan a aussi écrit cela, même le livre du prophète Gad, ça se trouve à l'intérieur. Parmi les livres apocryphes extérieurs à la Bible que j'ai lu ici tout à l'heure, vous en avez entendu parler? Non. Voilà. Donc, les deux livres. Donc, il y a le livre du juste qu'on a lu. Il y a le livre du prophète Gad, le livre du prophète Samuel. Non, enfin, le livre du prophète Samuel, c'est tout dans la Bible. Le livre du prophète Gad, du voyant de David. D'accord? Chroniques cette fois-ci, chapitre 9. C'est plein, hein? Je vous donne quelques versets. Ça m'a vous donner une trentaine de versets dans la Bible. On va sortir d'ici ce soir. On sortira béni. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc n'ayez pas peur. Vous savez, c'est pour cela que quand vous voyez, je dis chaque fois que vous avez besoin de l'expérience avec le Saint-Esprit, quand vous avez besoin de l'expérience avec le Saint-Esprit, même si quelqu'un, écoutez très attentivement, même si les Bibles étaient rassemblées dans le monde entier, ça brûlait. Je suis une Bible vivante. Pourquoi? Parce que sa parole habite en moi. Même si on prend toutes les Bibles, on les change maintenant, on brûle tout totalement. La Bible se trouve ici sur mon cœur. Lorsque vous direz une parole qui ne vient pas du Seigneur, il saurait que ça ne vient pas du Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole habite en moi. Il faut que la parole quitte le stade de livre là pour habiter en vous. Comment faire? La méditation. Si la Bible n'habite pas en vous, vous allez avoir des sensations. Plus tard, on va vous présenter une autre chose qui est dit comme vérité, vous allez sortir. Je peux vous en donner plusieurs témoignages, plein. En tout cas, allons-y. 2 Chroniques chapitre 9. Je crois que comme c'est long là, je ferai mieux d'arrêter mes discours là. Mais vous devez comprendre ce soir que vous ne devez pas avoir peur d'affronter l'extérieur. Puisque vous allez être dans des millions, on va parler contre Jésus. Jésus ne vous a pas envoyé d'aller le défendre. Laissez chacun blasphème comme il blasphème, c'est son problème. Il y a des gens qui ont été établis pour la défense de l'évangile. Il y a des gens qui ont été établis. Vous voyez n'importe qui sur YouTube aujourd'hui, il se lève, il se fâche contre un pasteur, il dit que tel pasteur est un faux. Il ne sait pas que même si le pasteur là est faux, s'il n'a pas été mandaté pour faire ce qu'il a de faire, Dieu va frapper le pasteur parce qu'il est faux. Il va aussi le frapper parce qu'il a dit qu'il est faux. Et les gens ne connaissent pas. Ok, on y va. Même les faux prophètes, Dieu doit devoir envoyer les prophètes pour venir les confronter. Même si vous savez que quelqu'un est faux prophète, vous faites mieux de vous en abstenir. Laissez-le faire ce qu'il est là. Souvenez-vous du Seigneur Jésus, quand ses disciples ont dit, ah, on envoie le feu sur eux, il dit non, laissez-les. Mais l'apôtre Paul dit dans Philippiens qu'il a été établi sous la défense de l'évangile. Amen. Vous comprenez cela? Alors il peut dire par exemple que ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Pourtant, vous voyez, les autres apôtres ne font pas cela. Chacun se met sur YouTube aujourd'hui, il porte sa part des péchés. Ils sont sûrs qu'ils sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Ils croient qu'en disant la vérité. Écoutez très attentivement. Vous vous souvenez du prophète Balaam dans la Bible, n'est-ce pas? Si. Quand ils sont venus, quand il est venu pour se plaindre, pour pouvoir maudire Israël, Dieu a maudit Israël? Non. Est-ce que à l'instant où il venait faire comme ça, Israël vivait dans le péché, n'est-ce pas? Oui. Dieu n'a pas pour autant maudit Israël comme il le voulait. Dieu s'est tourné vers Israël, il a dit que je ne vois point en point en Israël ni l'iniquité. Et il a dit que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Vous avez entendu cela? Amen. Ok. Mais pourtant, quand Balaam a quitté, il se tourne vers Israël. Il dit que j'ai tendu ma main tout le jour à un peuple contredisant et un courroie. Faisons attention. 2 Chroniques chapitre 9. Verset 29. Verset 29. Ah, personne veut lire. On va durer, hein. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan, le prophète, dans la prophétie d'Achisha de Silo, et dans les révélations de Jéhido, le prophète, sur Jéroboam, fils de Nébat. Mm-hmm. Voilà. Alors, dites-moi aussi, combien de livres sont mentionnés là-bas? Trois. Oui. Qui sont? Livre de Nathan. On a déjà rencontré ça, n'est-ce pas? Mm-hmm. La prophétie d'Achija. Achija. Oui. D'Achija, oui. Achija de Silo. Et la révélation de Jéhido, le prophète. Oui. Quels sont les livres que vous avez vu là-bas de nouveau? La prophétie d'Achija de Shiloh. Oui. Et les révélations de Jéhido le prophète sur Jéroboam. Noté. Que Dieu vous bénisse alors que nous sommes en train d'étudier tout cela. Vous voyez qu'on pouvait survoler la question de la sœur comme ça, là, rapidement, et puis pourtant c'est important, pas vrai? Mmh. Dès que vous avez fini, on continue. Oui, on y va. Chapitre 12, verset 15. Je n'ai pas compris. Chapitre 12, verset... Quel livre? Mais nous sommes dans deux chroniques toujours, non? Les actions de... C'est bon? Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans les livres de Shemaïja, le prophète, et Dido, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Le verset 15, ah, mais le verset 15 seulement, c'est bon? Combien de livres sont mentionnés encore là-bas? Je crois qu'on a un problème. Les actions. Oui. Les actions de Roboam. Le livre de Shemaïa. Oui. Le prophète. Oui. Et. Trois. Donc le prophète. Et puis quoi? Les livres. Oui. Plusieurs livres de Shemaïa et le prophète Ido. Deux livres sont mentionnés. Oui. Et les registres aussi, peut-être. Oui, c'est ça, donne-t-il les questions. Les registres généalogiques. Oui. J'ai lu de Shemaïa. On y va. Mm-hmm. Chapitre 33, verset 19. Et la manière dont Dieu les usa, ses péchés et ses déchets, les places où il bâtit des hauts lieux et dressa des idoles et des images taillées avant de s'être humilié, cela est écrit dans le livre de Osaïe. Notez. Vous voyez que c'est surprenant ce soir, pas vrai? Oui. Notez 1 Roi chapitre 11, verset 41. Notez 1 Roi chapitre 11, verset 41. Chapitre 15 aussi, verset 23. Chapitre 16, verset 5. Lisons-les rapidement. Puis on passe au livre d'Esther. De la sœur Esther. Un roi chapitre 11, verset 41. Oui. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon? Souligné. Notez. Vous avez vu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Chapitre 15, verset 23. Un roi, chapitre 15, verset 23. Le reste de toutes les actions d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a fait et les villes qu'il a bâties, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Toutefois, à l'époque de sa vieillesse, il eut les pieds malades. Oui. Roi des, le chronique de quoi? Des rois de Juda. Vous pouvez lire maintenant le chapitre 16, verset 5. Pour voir ce qui est écrit aussi. Chapitre 1, Roi, chapitre 16, verset 5. Le reste des actions de Béacha, ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Voilà. Maintenant, vous allez lire dans la Bible, vous allez voir quand Israël, le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Vous allez voir, chaque fois, on va parler des différents rois qui ont régné en même temps en Israël, en même temps en Juda. Lorsqu'on termine avec un roi, on dit tel roi est mort et son fils régna à sa place. Il fit tel nombre d'années en Israël. Pendant ce temps, on parle de Juda et ainsi de suite. Lorsqu'on va finir dans le livre des rois, on va renvoyer dans le livre des chroniques. Si vous lisez le livre des chroniques, on renvoie dans le livre des rois. Je ne sais pas si vous saisissez. Voilà, j'espère que vous comprenez. Notez Isaïe chapitre 30, verset 8 et 34, verset 16. Mais on ne doit pas y aller maintenant, on va y aller après avoir lu Esther. Esaïe chapitre 30, verset 8, 34, verset 16. Esther chapitre. Vous y êtes. Esther, le chapitre 2, le verset 23. Et le chapitre 9, verset 32. Chapitre 2, verset 23. Oui. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Oui. Donc, vous voyez, voilà un livre dont on fait référence. Et ça, c'est le roi, personne qui, quoi, le roi des Sus, qui est écrit là, dans leur livre des chroniques. Et ce n'est pas, vous ne pouvez pas avoir accès à ça. On ne sait pas le contenu, comment on a écrit. D'accord? Mm-hmm. Chapitre 9, verset 32. Chapitre 9, verset 32. Ainsi, l'ordre d'Esther confirma l'institution des Purim. Et cela fut écrit dans le livre. Mm-hmm. Vous avez lu là, cette institution-là, vous avez lu ça, hein? Malachi chapitre 3, le verset 16. Donc, il y a d'autres livres qui ne sont même pas dans notre dimension. D'autres qui sont écrits et on boit ça chaque jour dans la malédiction. D'autres qu'on a écrits qu'on ne verra jamais. D'autres qu'on a seulement mentionné pour notre connaissance. D'autres qui sont là. Donc, vous voyez que Dieu nous a donné quelque chose. Et c'est là on va venir au niveau de la constitution de cette Bible-ci. Dieu nous a donné quelque chose et puis les gens commencent à tourner en rond pour pouvoir chercher ce qui est caché. En fait, apocryphe, ça veut dire ça. Ça veut dire que ce qui est caché. L'homme a toujours besoin de chercher ce qui est caché. On est sur la terre. On est de chercher comment se nourrir ici sur la terre. Les gens sont sur Mars. Ils cherchent quelque chose sur Mars. Qu'est-ce qu'il y a sur Mars? Dans la planète là-bas, à gauche, à l'Orient, il y a quoi là-bas? Y a-t-il pas de vie sur la terre? Là-bas, en bas, comme vous avez dit dans votre propos ici, qu'il y a même des poissons qu'on n'a pas encore découvert. Ils n'ont pas encore continué le monde qui est ici en bas. Ils sont de chercher l'univers. Ils dépensent des centaines de millions de dollars pour pouvoir y aller. Que Dieu les vienne en aide. Et la Bible déclare, c'est 20 ans d'être sages, ils sont devenus fous. On avance. Amen. Toute science qui ne mène pas à la crainte de Dieu est diabolique. Toute science dont la finalité ne mène pas à la crainte du Seigneur est diabolique. Et derrière chaque science, donc vous pouvez voir l'exaltation de l'homme et l'exaltation du Dieu homme et de Dieu moi, à la fin de compte, c'est inspiré par Lucifer pour pouvoir se glorifier au travers d'eux. Dans le livre de Malachie chapitre 3, verset 16, vous vous souvenez de cette histoire-là des deux, les gens qui rentraient, ils disaient comment on a dit que nous obéissons au commandement de Dieu et que nos vies sont toujours, je suis Dieu, tu es la malchance. pourquoi notre vie. Et puis la Bible déclare que l'Éternel fut attentif à tout ce qu'ils disaient, les deux parlaient, et un livre de souvenirs fut écrit au côté de lui. Vous voyez, un livre, le livre du souvenir. Ce livre-ci, c'est accessible seulement à Dieu. Qui peut aussi prendre ça pour mettre-là dans la Bible? On avance. Mm-hmm. Apocalypse chapitre 10. Il dit, je vous le dis, s'il y a un endroit, un moment où je me sens bien, ce moment-là, maintenant, je me sens vraiment bien. Que c'est quand je t'atteins, que c'est quand t'atteins qu'il a recréné la Bible, il a donné la Bible qu'on a. La vraie est cachée au Vatican. La vraie est cachée. Donc, ça veut dire que Dieu. Attendez seulement. Lisez Apocalypse chapitre 10. Constantin est tellement fort, le Vatican est tellement fort qu'il cache la vérité. Dieu laisse les gens, que ses élus périssent. Donc, ils ont caché la bonne nouvelle. Et c'est la mauvaise nouvelle qui est dehors. Et Dieu a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée par toute la terre. Alors, venant la fin. Donc, ils ont bloqué Dieu. Dieu cherche comment il va faire pour que ça sorte du Vatican. Il ne connaît pas. Il faut la délivrance. Il faut la délivrance à cette époque-ci. Ne vous déstabilisez pas. Ne craignez point. Même les gens qui vont prêcher contre la Bible vont prendre toujours les versets bibliques pour prêcher contre la Bible. Souvenez-vous de cela. Vous avez moi? Amen. Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 10. Allons-y. Vraiment, sœur, que Dieu te bénisse. Si tu étais ici, il devait te donner un pot de yaourt ou bien encore un plat d'indolent. Amen. Verset 1 à 10. Oui. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé de nuée. Au-dessus de sa tête était un arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il dans sa main un petit livre. Il posa son pied droit sur terre et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand ils crient, les tonnerres firent entendre leur voix. Quand ces tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sept ont dit les sept tonnerres et ne les crient pas. Et l'ange, que je voyais debout sur la terre et sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps, mais toujours de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et la voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se trouve sur la mer et sur la terre. Et j'avais l'ange en lui disant le petit livre. Et il me dit, prends-le, va-le, il sera prêt à l'entrée, mais dans ta bouche, il sera doux contre elle. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Amen. Qui prennent le livre qui devient le miel et l'amertume là, il nous montre le passage biblique qui sont écrits aussi au-dessus, d'accord? On peut continuer. Apocalypse chapitre 5. Combien, frère? Apocalypse 5. Chapitre 5. Verset 1 et suivant. Verset 1, peut-être jusqu'au 5 ou 6 comme ça. Apocalypse chapitre 5, verset 1 et suivant. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que faire. Il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de bruit chez la sœur Christiane. Beaucoup de bruit. Lorsque tu bouges ton micro, ça, autour de toi, ça bouge. Oui, ma sœur Caro, vas-y. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les saints. C'est Christian, ferme ton micro, c'est désagréable. C'est désagréable. Désolé, j'ai un bug en fait. J'essaie de couper, mais je n'y arrive pas. Enlève la batterie tout simplement. Enlève la batterie, comme ça tu vas redémarrer, tu y reviens. D'accord. Merci. Allons-y, continue, ma soeur. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Voilà, c'est bon. Donc voilà un livre qui est écrit en dedans et en dehors, scellé des sept sceaux. Et personne n'était même digne d'ouvrir le livre. Donc vous voyez effectivement que si dans le ciel, sur la terre, il n'y avait même pas un ange qui puisse ouvrir le livre. Maintenant, Dieu envoie sa volonté sur la terre, comme dans ces 2 Corinthiens, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, que toute écriture est expirée sous le souffle de Dieu. C'est la respiration de Dieu. Dieu respire sa volonté et il les donne sur la terre pour qu'on puisse comprendre. Et il dit que sa parole est comme exactement comme l'eau de la semence qu'il envoie sur la terre. Ça ne peut pas retourner à lui sans avoir accompli. C'est pourquoi c'est sorti. Et Dieu dit, dans cet Isaïe, chapitre 30, verset 8, que je vous ai donné aujourd'hui, ah mon Dieu, qu'est-ce qui arrive sur la terre? Bon, souvenez-vous, Satan va combattre la parole. Satan combat la parole. Il combattra toujours la parole. Le but, c'est de déstabiliser parce qu'il ne peut pas vaincre la parole. Parce que remarquez très attentivement dans Apocalypse 19, le verset 11 à 16, la Bible déclare que celui qui monte sur le cheval blanc, il a sur sa cuisse un nom, roi des rois et seigneur des seigneurs. Son nom est la parole de Dieu. De l'épée sort de sa bouche. Vous voyez, quand on parle de la parole, il y a de l'épée dans sa bouche qui sort pour combattre avec justice. Parce que sa parole sort avec droiture. Et c'est la parole de vérité qui fait trébucher le diable parce que lui ne se tient point dans la vérité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a point en lui de vérité. Il a donc peur qu'on prêche la voie de la sainteté, la voie de la vérité. Parce que c'est ça qui déstabilise son royaume. Lorsqu'on prêche seulement comme ça, même s'il n'y a pas de miracle, ça déstabilise le royaume. Parce que la parole de Dieu est puissante. Lorsqu'on prêche la parole par le Saint-Esprit, la Bible déclare que même les anges désirent plonger leur regard. Imaginons que ça attire l'attention du ciel pour qu'on puisse déclarer le mystère de Dieu sur la terre. Combien la convoitise de Lucifer peut être là pour pouvoir déstabiliser cette voie? Vous voyez cela? Voilà. Alors, comme nous sommes dans le livre d'Apocalypse, faisons un détour dans le livre qui vient tout avant Apocalypse, voir le verset 14 et 15. Qu'est-ce que ça dit là? Le livre qui vient tout avant le livre d'Apocalypse. Le livre qui vient. C'est aussi pour eux qu'Enoch. Oui. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Oui. Pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui. Des pécheurs impies. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, d'après ce qui est écrit, d'après ce que le prophète Jude a dit, c'est terrible. Maintenant, il commence par dire, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam. Ça devient grave, très grave. Regardez très attentivement, on a un problème ici. Puisse le Seigneur vraiment nous aider maintenant à saisir. Vous êtes calme, vivez toute votre attention, regardez-moi pendant que je parle. Ok, on y va. Oui. Vous êtes prêts? Il vous dit ce soir, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens vraiment bien. Ouvrez Genèse, chapitre 20. Vous y êtes. Lisons à partir du verset 1. Genèse chapitre 20, à partir du verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Shur et fit un séjour à Kéra. Mm-hmm. Abraham disait à Sarah, sa femme. De Sarah. Ah, pardon. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Mm-hmm. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Oui. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Stop. Regardez-moi. D'après ce que Dieu dit ici, c'est lui qui a empêché qu'Abimélec couche avec Sarah. N'est-ce pas? Oui. C'est ça. Oui. Okay. Maintenant, je vous pose la question. Si coucher, c'était un péché. Si coucher avec la femme. Gardez-vous à l'esprit de là où on est sorti. Je vais arriver là-bas. Je suis en train de vous prendre depuis la Genèse pour vous brosser pour revenir là-bas. Je recommence encore. Dieu a préservé. Il dit à Dieu que j'ai agi avec un cœur pur. Dieu dit, je le sais. C'est pour ça que j'ai empêché que tu pêches contre moi. Donc si commettait cet acte-là, ça devait être un péché. Je veux que vous me dites. S'il y a une loi à cette époque qui dit interdit de coucher avec la femme d'autrui. Non, non. Femme. La loi n'est pas encore sortie. Mais elle était, elle était déjà dans le cœur. Dans le cœur de qui? Dans le cœur de l'homme. Des hommes. Que tu ne commettras point d'adultère. Tu ne peux pas prendre la femme d'autrui. Ce n'était pas écrit, c'était écrit dans le cœur. Qu'est-ce qui les empêche? Bah rien. Non. La conscience. Oui, c'est la conscience. L'apôtre Paul explique avant que la loi vienne. Oui. Avant que la loi vienne, je vivais. Mais quand la loi vient, le péché saisit le gazon et je mourus. Oui. Donc sans la loi, il n'y a point de péché normalement. Mmh. Et vous admettez avec moi que c'est sous Moïse que la loi va venir, n'est-ce pas? Oui. Chapitre 18, allons-y. S'il vous plaît, si vous êtes fatigué, vous me dites j'arrête parce que je veux pas qu'on soit fatigué, je veux que tout le monde puisse suivre ceci. Il voit David, Frédéric, là il bagarre avec le sommet grave. La soeur Yannick, Christiane également. Bon, chapitre 18, verset 15. On va s'arrêter jusqu'au verset 21. Allons-y. Chapitre 18, verset 15 à 21. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Ses hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham devient, deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne. Écoutez. Allons-y. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ça va, ma soeur, ça va. Donc, d'après ce qui est écrit ici, Abraham avait une mission. La Bible déclare dans le verset 19, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel... Ça veut dire que dans la voie de la droiture et la justice se trouvait la voie de Dieu. La question c'est, comment quelqu'un qui était descendant d'Abraham devrait-il pratiquer la droiture en suivant la voie de Dieu, la droiture et la justice, sans avoir quelque chose d'écrit? Étant donné qu'il était de la bonne semence. Oui, c'est la semence. Allons-y, Miché. Ah, mon Dieu. Miché. Que le Seigneur vous bénisse, Miché. On y va. On y va, mes frères et sœurs. Oui. Verset 8 du chapitre 6 de Miché. Verset 8 seulement du chapitre 6 de Miché. Verset 8 du chapitre. Quel chapitre? 6. Ah, d'accord. Miché chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Fin de citation. Vous avez vu ça? Mm-hmm. Ok. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Abraham, si vous lisez votre Bible, c'est Enoch qui va parler de la naissance plus tard de Noé. N'est-ce pas? Et c'est de Noé que va descendre les différents enfants, y puis compris Abraham par la suite. Donc, Abraham est un descendant lui-même du prophète Enoch. Jude, verset 14, verset 15 dit, c'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam. Donc, Enoch avait d'abord parlé de la part de Dieu sur la terre avant qu'Abraham même ne soit appelé. Il a prophétisé de la venue du Seigneur avant qu'Abraham ne soit appelé. Et ce que Jude est en train de dire là, ça se trouve dans le livre d'Enoch au chapitre 1, le verset 9. Si vous lisez le livre d'Enoch au chapitre 1, verset 9, c'est écrit là-bas littéralement. Alors, la Bible dit ceci. Jude, le prophète, dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Par là, il vient de nous dire que Enoch avait un livre. Puisqu'il est sur place, il est autant, Jude c'est autant de Jésus. Et longtemps avant même Abraham, Enoch avait parlé et ils connaissent là. Pour qu'ils connaissent là, il faut qu'il l'ait lu quelque part. Ça veut dire que le livre d'Enoch est plus vieux que le livre de Genèse. Parce que le livre de Genèse sera donné longtemps après à Moïse. Donc, avant que Moïse n'ait écrit Genèse, Enoch, le livre d'Enoch était déjà là. Regardez comment la sœur Christiane a dit, regardez. Même le livre de Job est avant le livre de Moïse. Oui. Parce que c'est un vrai pari à l'essai. Sœur Christiane, bonsoir. Regardez la sœur Claude, elle tord son visage comme cela. Non, mais je suis attentive. Hein. Très attentive. Au garde à vous. Alors, vous voyez donc que c'est Jude qui vient de nous référer Je suis en train d'insister pour que vous entendiez Jude, le prophète, au temps d'Abraham, avant le livre de Moïse, avant le livre de Moïse, le livre d'Enoch, avant qu'il dise quelque chose. Maintenant, la question qui ressort, c'est pourquoi ce livre d'Enoch ne se retrouve-t-il pas dans les Saintes Écritures? Et comment il a su écrire? Parce non, ce n'est pas le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'aucune prophétie de la Bible n'ait jamais été donnée sans que l'homme soit poussé par le Saint-Esprit. Ça, c'est réglé. Parce que personne n'a jamais parlé d'une volonté. Il est temps de l'écrire son livre et que je me suis senti poussé à vous écrire au sujet de la foi qui nous est commune. Car il s'est glissé parmi vous. Puis il a dit c'est aussi pour eux que le Enoch le septième depuis Adam. Ils ont appris. Qui ça? Mais avant Moïse, moi je pense, on a toujours dit que Moïse a écrit parce que il avait aussi la connaissance. C'est quelqu'un qui avait été. Bon, c'est que Moïse, ce que Moïse écrit là, on enseigne ça dans l'école où il était. Hein. Non, mais il avait quand même la connaissance de l'écriture. Et donc, il a écrit. Adam n'écrivait pas. Adam n'écrivait pas, hein? Le Saint-Esprit, à son, est capable de tout. Attendons, laissons la sœur Christiane parler. Tu dis quoi, ma sœur? Je me demande qu'ils ont commencé à écrire où, quand. Oh, allez, de voir comme ils ont dit que c'est Moïse qui a écrit parce qu'il avait la connaissance. Il a écrit des livres parce qu'il avait quand même la connaissance de l'écriture, il savait écrire. Donc tu penses que c'est l'école, que le savoir écrire, c'est aujourd'hui que ça a commencé avec Charlemagne? Non, pas avec Charlemagne, mais je disais, bon, bref, c'est ce qu'on a toujours mis dans nos têtes en fait. Bon, quand le doigt dans l'œil de Daniel a écrit au mur, là, les gens, chaque personne venait lire sans comprendre, là. Qui a lu ça? Daniel, non. Daniel. Il a fréquenté dans quelle école pour pouvoir lire le genre de nom là? Le Saint-Esprit. Ah, mais moi je pense que Daniel c'était quelqu'un. Je pensais que Daniel c'est quelqu'un qui était allé à l'école. Bon, oui, il était. C'est pour ça que je suis en train de prendre. L'école, l'eau, il est parti là. Les gens qui venaient lire là-bas, ils n'ont pas pu lire. C'est eux qui le formaient. Mm-hmm. On les appelle on a dit tous les sages de Babylone. Donc, ça dit que ce sont les gens versés. À notre époque, on les appellerait les professeurs agrégés. Ils n'ont pas pu lire les quatre mots qui étaient écrits là-bas. Qu'est-ce que tu en dis, ma soeur? Même les sorciers n'ont pas pu lire. Même les sorciers. C'est simple pour comprendre. Moi, j'ai compris déjà le problème. Oui. Alors, maintenant, écoutez. Oui. Je lui ai dit, c'est aussi pour eux que Enoch, le septième de plus Adam, a prophétisé en ces termes. La question c'est, comment Enoch a fait pour que ça quitte depuis son temps? Parce que le temps de Noé, écoutez très attentivement, le temps de Noé, il y a eu balèvement sur toute la terre. Après cela, on va multiplier la terre. Abraham maintenant va venir être choisi. Et puis maintenant, Abraham va quitter, il y aura Isaac, Jacob, les 12 patriarches, ils vont aller partout dans toute la terre, ils nous embrouiller avec les troupes du Sénégal et autres là-bas. Après, ils vont venir maintenant, un de ces jours, ils vont sortir de l'Égypte. Et puis, Moïse va venir avec le livre. Et Jude nous vient après que Jésus soit mort. C'est-à-dire, Enoch a parlé. Il a vu Enoch où? Il a vu Enoch où? Enoch a dit. Mais ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas comme on dit, la traduction. On disait souvent, tu vois, même à l'époque, au village. La tradition orale. Orale, oui. Au fur et à mesure, on répétait aux enfants, qui répétaient à leurs enfants, et ainsi de suite, on ne perdait pas les histoires. Donc, ça veut dire qu'on a répété, on les a répété tout un livre. Ils ont gardé comme ça jusqu'à maintenant. La question qui se trouve ici, c'est même pas le problème de quelques livres. Il n'y a aucun de ces livres-là qui me pose problème. Même le livre de Judith, qui le gros serpent a fait comme ça à Suzanne, là, c'est son problème. Voilà, mais la sœur Suzanne, là, il faut savoir. Mon problème, c'est ceci. Le Saint-Esprit a-t-il inspiré tel ou tel livre? Si c'est oui. Pourquoi n'a-t-il pas mis cela? C'est ça, c'est de là qu'on va sortir aujourd'hui. Vous allez savoir de quelque chose. Pourquoi n'a-t-il pas permis qu'on mette le livre? De toute façon, aujourd'hui, on a dit que les actions de Salomon sont écrites dans le livre de tel prophète, dans le livre des actions des justes. Pourquoi il n'a pas dit qu'on met l'action des justes? Là, il se réfère directement au livre des justes, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement ce que je vous ai dit. Jude dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Le Seigneur a dit, il pouvait dire que Enoch, le septième depuis Adam, a dit quelque chose, ou bien avait parlé. Il ne cite pas sa parole. Mais c'est à partir de sa parole qu'on a repéré le livre dans lequel ça se trouvait. Maintenant, là, on dit exactement, et dans le livre que nous avons lu dans Josué, chapitre 10, verset 13, on a vu que ces choses-ci sont écrites dans le livre des justes. Or, remarquez très attentivement, Josué est longtemps après Moïse. Le livre de Josué qu'on a de lire là, c'est longtemps après Moïse. Et on dit, on fait référence à un livre de Juste. Ça veut dire que sur le rapport de rapprochement à notre époque, le livre de Juste serait même plus proche de nous que le livre d'Enoch. Parce que quand Josué était sur la terre, on avait déjà écrit le livre de Moïse, les cinq livres là, ils étaient là écrits, on avait donné les actions, ainsi de suite, il s'était là sorti, Abraham était là mort depuis, ainsi de suite. N'est-ce pas ce qu'on me saisissait? Mais pourquoi ils n'ont pas trouvé le livre de Juste où ces actions-là sont mentionnées? Pourquoi? Pourquoi ils n'en parlent pas? Parce que sûrement là-dedans, il y a des secrets. Mais le secret de qui et pour qui? On continue là. Parce que dans Apocalypse, on nous dit que le septième ange, c'est le septième, c'est à travers le septième ange que le Seigneur va dévoiler certains secrets. Et je me dis que ces secrets-là, sûrement, sont dans ces différents livres. Les mystères dont tu as parlé sont contenus ici à l'intérieur. Tout le mystère que le septième doit dévoiler, ça se trouve ici à l'intérieur. Il n'y a pas quelque chose qui va sortir à l'extérieur. C'est pour ça qu'il nous a prévenu en fermant le livre. Il a dit qu'il vient de être ajouté. Donc si c'est fermé, on ne peut pas ajouter quelque chose. Si c'est ouvert, on ne peut pas être ajouté. Donc, ça n'est ni retranché, ni ajouté. Ouais. Donc, ça n'est que toute révélation que ça vient, ça doit être contenu ici d'abord dedans. C'est voilé, mais c'est là dedans. Un peu comme la, quoi, comme la, comme les gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas la chute et le revirement d'Israël. Pourtant, c'est écrit à l'intérieur. C'est quand tu expliques avec les Écritures, ça commence à se dévoiler que les gens disent, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pas que c'était seulement voilé. C'est cacheté, cacheté comme le parole des livres, comme il a dit, c'est un livre désert que je vous ai donné, que c'est écrit et c'est cacheté, mis d'un sceau, pour qu'on puisse lire sans comprendre. Et il a dit qu'on scelle même ces choses-là dans le livre à ses disciples, au milieu de ses disciples. Si ça scelle au milieu des disciples, imagine alors au milieu des scientifiques. Si c'est au milieu des disciples, c'est scellé. C'est très grave, pas vrai? Je vais recommencer là où on se retrouve. On se retrouve de là où Jude cite le livre d'Énoch, chapitre 1, verset 9. Et là maintenant, le livre d'Énoch nous est présenté. Est-ce que le fait que Jude a cité, ça nous montre, ça nous dit maintenant d'aller dans le livre d'Énoch pour prendre le livre d'Énoch pour commencer à lire? Allons dans quelque part pour répondre à la question. Dans la Bible, on part dans la Bible pour répondre, d'accord? Vous allez lire la Bible ce soir. Vous le dites au nom de Jésus. Tite. Amen. Tite. Voilà quel livre? Tite, chapitre 1. Ne t'inquiète pas, frère, on va y aller. Vous y êtes. Tite chapitre 1, verset 10 à 12. Non, à, oh mon Dieu, c'est merveilleux. Verset 10 à 13. Regardez. On ne veut pas y aller. Non, le frère Jean-Marie Belli tout à l'heure. Il veut dire comme ça que le sommet ne vient pas, non? Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, devins disoureurs et séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: Crée-toi toujours menteur, méchant bête, ventre paresseux. Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Regarde-moi. Regarde-moi. Qu'ils... Non, non, non, non, laisse faire, frère. Regarde-moi maintenant dans les yeux. Vous êtes prêts? L'apôtre Paul cite qui? Crée-toi. Vraiment. Regardez un de encore. leurs prophètes. L'un de Ah, leurs. le prophète, oui. Prophète. Vous savez où cette citation se trouve? De qui on a de parler? On dit leur propre prophète a dit ceci. Vous savez de quel prophète on te parle? Non. Il s'appelle Satan. Épiménoïde. Épiméride de Gnossos. C'est un écrivain de l'an 5 avant Jésus-Christ. Vous voyez? Or, ici, regardez très attentivement. Dans le corps grec, on les appelle les poètes. Or, un poète, c'est quelqu'un qui met sa plume et il laisse l'inspiration couler au travers de lui. Et ici, ceux qui portent la parole de Dieu sont appelés, les porte-parole de Dieu sont appelés les prophètes. Et l'apôtre Paul dit que ceux-là, celui-là qui écrivait ces poèmes, si c'est leur prophète à eux. Or, dans son livre, donc là, il écrit dans sa poésie, il dit que crée-toi toujours paresseux, vente paresseux, toujours paresseux, c'est vente creux. Il cite un livre. Est-ce que le Saint-Paul, l'apôtre Paul dit que leur prophète, et il cite leur livre, ça veut dire qu'on dit que leur livre est inspiré de Dieu? Non. Est-ce qu'il en est dit qu'on doit maintenant mettre le livre d'Épinerie dans le livre des canons bibliques? Non. Actes des apôtres. Chapitre 17. Vous allez vous amuser ce soir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. On y va. Ah, vous n'êtes pas avec moi. Merci. Voilà. On attend les versets. Chapitre 17, verset 24. Oui. Verset 24 à 29. Allons-y. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Oui. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Oui. De lui, nous sommes la race. Stop. Ainsi, stop. Donc, vous voyez, ici, une fois de plus, l'apôtre Paul cite le poète Aratos qui a vécu au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Et il cite comme ça le livre intitulé Phénomène. Donc, et le bout de la fin, normalement, dans le livre des Phénomènes, est écrit de lui, nous tirons nos origines. L'apôtre Paul cite comme ça Aratos, ce poète grec. Il dit, c'est ce qu'on dit, l'un de même votre propre poète, qui dit ceci, de lui, nous sommes la race. Est-ce que le fait que l'apôtre Paul dit comme ça, il dit que les philosophes sont inspirés de Dieu? Est-ce qu'il a dit comme ça pour entériner que, ok, même les philosophes aussi recevaient le message du Seigneur? Non. Il y en a plein comme ça dans les Saintes Écritures que mon grand frère a écrit. Il y en a plein comme ça. Vous voyez? Il faut que vous touchiez des sujets concernant cela privé dans la Bible, vous les montrez. C'est plein dans les Saintes Écritures. Vous avez moi. On va se laisser guider par le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, mais la différence entre ce que l'apôtre Paul dit ici et ce que le prophète Jude dit, c'est que Jude étant animé par l'esprit du prophète, a reçu la même prophétie que le prophète Enoch avait reçue de la part du Seigneur pour annoncer la venue du Seigneur. Il a annoncé la venue du Seigneur, comment le Seigneur descendra du ciel pour punir ceux qui étaient à lui. Et ce que l'apôtre Paul va recevoir, il va écrire dans 2 Thessaloniciens, qu'il descendra du ciel dans une lumière éclatante pour punir tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Vous voyez que l'apôtre Paul reçoit la même chose. Jude reçoit la même chose, mais la différence c'est que il dit, le prophète Enoch avait déjà dit ces choses-ci. C'est pas sûr, c'est ses frères. Oh, je veux tout simplement vous dire que le simple fait qu'on cite un livre ne veut pas dire qu'on est en train de dire que le livre là est saint. C'est parce que c'est ce que je voulais dire concrètement. D'accord? Donc, maintenant, quelle est la chose? Il faut garder la marge de la Bible. C'est le seul verset du livre d'Enoch qu'on attribuerait au livre d'Enoch. Parce que Jude a cité ces passages-là du chapitre 9, le chapitre 1, verset 9 du livre d'Enoch. Bon, maintenant, rien ne nous dit que la suite d'homme maintenant est inspirée de lui. Voilà là où se trouve le danger. Donc, on s'en tient à ce que la Bible nous a laissé ici comme relais. Maintenant, vous allez remarquer que dans le livre de l'apôtre, dans la Bible, je vais prendre quelques exemples maintenant. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà, maintenant, écoutez très attentivement. Je vais commencer à citer un à un. Regardez, dans le livre de Matthieu, au chapitre 1 et chapitre 2, à la naissance de Jésus, vous allez voir effectivement que Hérode va vouloir tuer l'enfant. L'enfant Jésus, l'enfant va venir dire à Marie d'aller en Égypte jusqu'à ce qu'il le fasse monter. Quand Hérode va mourir, il va faire venir Joseph de l'Égypte. La Bible déclare qu'il fait venir Joseph, il se présente à Joseph en Égypte, il dit, fais monter le petit enfant parce que ceux qui cherchaient le petit enfant sont morts. La sœur Christiane ne dort pas. Vous faites comme ça, j'arrête alors ou comment? Frédéric, toi tu as composition demain. Frédéric, tu as composition demain. Tu es fatigué. Va donc dormir alors. D'accord, tu vas écouter en rediffusion sur Bamba Iba. Il ne faut pas que tu dormes, si tu te trouves autant de Noé. Vas-y, va dormir alors. Alors, je vais seulement vous montrer quelques petits principes pour que vous voyez. Regardez. Donc, dans ce chapitre 2 de Matthieu, vous avez remarqué donc, que quand l'ange se présente en Égypte à Joseph, il lui dit, monte avec le petit enfant. Parce que ceux qui en voulaient à sa vie sont morts, n'est-ce pas? La Bible déclare que il fit monter comme ça en Égypte afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le prophète, j'appelle mon fils hors de l'Égypte. Or, par cette parole, bout de phrase, selon ce que avait dit le prophète, il cite Osée chapitre 11, le verset 1. Il vient de nous montrer là que le livre du prophète Osée que nous avons est authentique. Parce que dans le livre du prophète Osée, on trouve cela. Vous me suivez? Ça veut dire que le livre de Matthieu a cité le livre d'Hébreu, quoi, d'Osée. Dans un autre passage de l'écriture, il va citer Esaïe. Parce que on va dire à des gens baptistes que qui es-tu? Il dit que je suis la voix de celui qui crie dans le désert, comme on a dit le prophète Esaïe. Appelez-le la voix du Seigneur. Et on voit effectivement ça dans les saintes écritures, dans Esaïe chapitre 40, verset 1 à 3, où il a dit cela, pas vrai? Vous voyez, lorsqu'on va dans le livre de Luc chapitre 4, que j'ai cité ici au départ, le Seigneur qui ouvre le rouleau, il trouve l'endroit où il est écrit l'Esprit du Seigneur est sur moi. On voit effectivement dans le livre d'Esaïe. Donc le livre le livre de Matthieu et le livre de Luc confirme que le livre d'Esaïe, le livre d'Osée vient du Seigneur. Pas vrai? Vous continuez les saintes écritures. L'apôtre Paul va dire par exemple dans le livre de Romains que quand il est écrit que il était écrit par exemple que j'étais loué parmi les nations. Vous le psaume 147, c'est écrit là-bas. Donc il venait dire que le livre des psaumes, elle est là. Jésus vient, il dit à ses disciples que c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la dévastation placée en lieu saint dont a parlé le prophète Daniel. Donc il vient de nous référer au livre du prophète Daniel. Ça veut dire que même si n'importe qui vient dire n'importe quoi, que le livre de Daniel là est faux, c'est son problème. Parce que Jésus a cité ça, il nous a dit qu'il faut qu'on parle de ça pour faire attention. Vous me suivez, frère? Chaque fois dans le livre des prophètes, on voit effectivement comment les prophètes se réfèrent au livre des prophètes et Moïse en disant que selon les lois, nous n'avons pas pu faire ce qui est écrit dans le livre des lois de Moïse et toutes les calamités qui étaient écrites sont venues vers nous. Donc le livre de la Pentateuque est inspiré de Dieu, même si les gens disent n'importe quoi. Pas vrai? Donc vous allez voir cette principe-là dans la Bible. Allons dans le livre d'Ecclésias. Regardez, regardez. Merci Père. Ecclésias. Merci Père. Ecclésiaste. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous y êtes? Amen. Regardez. J'y vais. Le chapitre 12, verset 11 à 14. Allons-y. Chapitre 12, verset 11 à 14. Oui. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Les paroles des sages sont comme des aiguillons et, rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses. On ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Vous avez entendu? Vous-même, vous avez entendu, non? Mm-hmm. Vous-même, vous avez entendu. Souvenez-vous que vous avez la Bible de façon compilée de cette façon-ci. Avant, c'était des rouleaux. C'est-à-dire, comme vous avez lu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, regardez mon image avec cette feuille-ci. Vous avez des feuilles comme ça, sur lesquels on écrit, on écrit, on écrit. Puis on les roule comme ça, tout simplement. On les roule comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça les livres. Vous voyez, comme si vous lisez par exemple le livre du prophète, Nahum. Vous lisez le verset, on va dire que l'oracle du prophète Nahum. Et on fait comme ça, on attache là. On dit qu'on a scellé. De telle sorte que quand on prend, on détache et puis on le déroule. On déroule. Vous voyez, dans le livre de Luc, chapitre 4, si vous lisez le verset 16, la Bible déclare qu'on lui a donné le livre, le rouleau d'Isaïe. Le livre, le rouleau d'Isaïe. Donc c'est un rouleau. Et il dit, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Parce que ce n'est pas écrit avec chapitre, verset, Isaïe, chapitre 1, chapitre 2. Ce n'est pas écrit comme ça. C'est écrit. Il va seulement dans le texte, il répète là où ça le trouve. Ça va, c'est le conseil. On a découpé ici comme ça pour qu'on puisse plus avoir la compréhension, plus pour la convenance de la lecture. Donc normalement, c'est écrit en rouleau. On écrit tout simplement. On écrit. Et c'est roulé comme ça. Chaque rouleau est mis dans son rouleau. Donc voici, lorsqu'on a fini avec le rouleau d'Isaïe, tout ça, c'est rouleau, c'est pour Isaïe. Il y a un autre rouleau pour Nahum, un autre rouleau pour Moïse, un autre rouleau pour Osée, un autre rouleau pour Jérémie, pour Ézéchiel, ainsi de suite. C'est plusieurs rouleaux. N'est-ce pas ce que vous me saisissez? Maintenant, ces rouleaux, donc, on les a saisis maintenant pour mettre dans un livre. Donc normalement, ce que nous avons comme Sainte Écriture, là, c'est une bibliothèque de 66 livres. Par exemple, si vous lisez 2 Timothée chapitre 4, le verset 13, l'apôtre Paul a dit de donner la recommandation à Timothée qu'en venant en hiver, là, il faut qu'il prenne son manteau et puis il prend partout, il apporte avec lui les livres et surtout les parchemins. Or, si vous regardez le mot grec qui est écrit dans la base des livres, là, c'est écrit, c'est biblion, donc les petits livres. Puis on va parler du parchemin. Le parchemin était des peaux, les peaux d'animaux qui étaient tannées. Les peaux d'animaux bien tannées. C'est fait à Pergame. Ça c'était travaillé à Pergame. D'où le mot parchemin. Donc le mot parchemin qui est écrit là-bas dans le grec, c'est parce que c'était fait à Pergame. Vous connaissez la ville de Pergame. Ah, vous allez même finir ici ce soir-ci. Alors, dans ce qui est écrit dans ce livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 11 dit, écoutez encore, outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver les paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Donc parmi toutes les sélections qu'il avait, de nombreuses là, il a sélectionné ce qui est de vérité pour pouvoir mettre là. Parce que s'il veut écrire tout ça, c'est que ça va rendre les gens fous. Puis il dit, les paroles des sages. Remarquez très attentivement que ici, il s'agit du Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste. Mais il ne dit pas que les paroles du sage au singulier. Il dit les paroles des sages. C'est pas ce que c'est ce qu'on a dit. Il dit les paroles des sages. Donc il y a plusieurs sages qui ont des paroles, à qui on a donné les paroles. Donc les sages sont comme des porte-paroles. Ils sont censés transmettre quelque chose. Il dit sont comme des aiguillons. Et rassemblés en un recueil. Frère, c'est prophétisé ici, d'après le livre du prophète Salomon, que les recueils qu'on donnait à chaque sage devaient plus tard être recueillis dans un recueil. Vous voilà avec votre Bible maintenant. Et dit, hein, la soeur Suzanne. Non, je dis non, ouais. C'est vraiment... Verset 13 encore, les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblés en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Donc, il veut nous faire comprendre que si vous prenez les aiguillons là-bas avec un document ou bien une place que vous allez mettre sur un mur, vous plantez, vous mettez les clous là-bas, ça stabilise ça pour montrer effectivement que tel aiguillon plus tel aiguillon plus tel aiguillon a permis tous ces plans que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que tel recueil donné à tel sage, plus tel recueil donné à tel sage, plus tard ça doit être rassemblé en un recueil. Mais il dit, sachez que c'est donné par un seul même maître, à tel sage, à tel sage, à tel sage. Voilà votre Bible. Amen. Wow. Vous y êtes. Puis dit du reste, mon fils, tu instruis toutes ces choses. Comment, mon frère? La conclusion. Non, c'est pas encore la conclusion. Je suis à l'avant-conclusion. Tu crois qu'il va dire, ben, j'ai dit à cet été, bonne soirée. Il a dit qu'on va aller jusqu'à ce qu'on va épuiser ça ce soir. De toute façon, la conclusion sera dans le livre d'Ecclésiaste. Ça, c'est clair. D'accord? On va sortir par le livre d'Ecclésiaste. Maintenant. Ici, là, quoi, le prophète Salomon nous dit et nous insinue indirectement et de façon claire dans le langage prophétique que la Bible devrait être recueillie, c'est que les différents livres devraient être regroupés dans un recueil. Mais il nous dit de comprendre que c'est donné par un seul maître. Et il dit que si les gens disent que... c'est parce que c'est la nuit là, je devais crier ici. Mais permettez-moi qu'il crie à l'intérieur. Maintenant, écoutez, il dit que mon fils, le verset suivant, qu'il conclut après le verset 13, il dit... ne t'inquiète pas à te fatiguer pour aller dans les bibliothèques pour aller chercher n'importe quoi. Si on te dit que le livre de Nord, le livre de ceci, parce que ça c'est fatigant. Parce que si on voulait rassembler tous les livres, c'est que ça ne peut pas continuer. Ça va te fatiguer pour rien. Vous y êtes? On prend une respiration musicale le temps que la connaissance se rétablit là, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, je suis encore de retour. Je crois que ma connexion dérangeait là un tout petit peu le temps qu'on a pris la respiration musicale. On continue. Ah oui, frère. Voilà, donc je crois que ça en train de signaler là vraiment que vous savez, les combats c'est partout. On doit seulement dire la vérité. Donc, il faudrait mieux d'avancer rapidement. Alors, je tente de le dire, si vous lisez le verset 13, je recommence encore. Salomon prophétise que les sages, les différents sages que Dieu a utilisés dans le temps, à un moment donné, les recueils devraient être pris dans un seul livre. Les différents rouleaux devraient être pris dans un seul livre, pointés, plantés par un seul maître. Donc, il veut dire, ne croyez pas que le Dieu de Salomon est différent du Dieu de David, qui est différent du Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. C'est le même maître qui a donné à chacun selon sa portion. N'est-ce pas, frère? Maintenant, et nous allons voir le Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 24 qui va expliquer à ses disciples sur le chemin de Maïs tout ce qui le concernait dans les prophètes, dans le livre de Moïse, dans les psaumes. Donc, quand la Bible déclare que dans le livre de Moïse, ça veut dire que tous les livres de Moïse, on parle de Jésus là-dedans. Dans le livre des psaumes, on parle de Jésus là-dedans et dans les psaumes aussi, pas vrai? Maintenant, Salomon ici dit, il dit du reste, mon fils, si instruction de ces choses, on ne finirait pas si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Vous avez vu cela? Donc, ça veut dire que quand quelqu'un ne te fatigue pas en disant qu'il y a d'autres livres quelque part, ne te fatigue pas, c'est content de nous comme un recueil là-bas, contente-toi-en. N'est-ce pas ce qui est écrit là? Waouh! Mm-hmm. Un grand nombre de livres et beaucoup d'études. Amen, et beaucoup d'études étaient fatiguées pour le corps. Si quelqu'un te dit que va à l'école théologique pour aller chercher tel ou tel apocryphe, dis que ça me fatigue, que ceci me suffit. Amen. Amen. Continuons maintenant. On continue notre lecture. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Allons dans le livre d'Isaïe que nous avons tout à l'heure là. Dans le livre du prophète Isaïe. Que notre Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse. Notez aussi Hébreux chapitre 10, le verset 7. Je crois que je vais seulement citer parce que je sens le sentir de la tension dans l'air là maintenant. Dans le livre d'Hébreux chapitre 10, verset 7, vous vous souvenez dans le livre d'Hébreux, il est question du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ face au sacrifice des différents béliers et boucs qui étaient donnés là-bas. La Bible déclare, dans ce verset spécifiquement, il dit que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, c'est pourquoi je viens pour faire ta volonté, oh Dieu, ta volonté. Et il dit, dans le rouleau du livre, dans le rouleau du livre, il est question de moi. D'accord, mes chers? Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Voilà. Et Jésus qui dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Or, il cite comme ça, là où c'est mentionné dans Hébreux chapitre 10, là, on va laisser là dans le livre psaume. C'est pas si vous vous souvenez. Donc, lisez le livre d'Ésaïe que je vous ai donné tout à l'heure, le chapitre 30, verset 8. Pendant que vous en avez déchargé, je vous dis encore quelque chose. Souvenez-vous, quand Dieu a donné la Torah à Moïse, la Torah avait été sanctifiée par le sang pour mettre l'alliance entre Dieu et son peuple par rapport à ce qui était écrit là-bas, pour montrer que les paroles qui sont dites là-bas sont assurées par Dieu pour les protéger. Et Dieu s'engageait. Je crois que c'est la soeur Christiane qui est en train de prendre l'avion là maintenant. Et Dieu s'engageait par cette alliance-là. Au cas où les Juifs respecteraient les clauses qui sont écrites dans ces livres-là, ils s'engageraient à veiller sur eux, sur leurs vêtements, sur leur famille, sur toutes leurs nourritures, ainsi de suite, et leur protection face à l'ennemi. Donc, l'alliance avait été faite de telle enseigne que dans Deutéronome chapitre 4, si vous lisez le verset 1 à 3, j'espère que je ne vais pas trop vite. Dans Deutéronome chapitre 4, si vous lisez le verset 1 à verset 3, la Bible déclare, Moïse va dire à Israël de se garder d'ajouter quoi que ce soit à la parole telle que c'est donnée et ils doivent garder et veiller à appliquer telle que c'est donnée. Donc, quand Dieu avait dit cela à Moïse, il ne leur dit pas qu'une autre loi va venir être ajoutée là-bas, vous pouvez enlever la loi comme vous voulez. Ce n'est pas permis à n'importe qui de le faire. Et quand bien même plus tard, le livre de la loi va faire surface de telle enseigne que il y aura les prophètes de Baal là-bas qui vont prêcher notre évangile, on va même oublier même le livre de la loi. Un de ces jours, quand le temple, on se rend de réparer le temple, qu'est-ce qu'on va faire? On va retrouver ce livre de la loi là-bas. Ils vont lire, ils vont taper la poussière dessus, ils vont comprendre que c'est à cause de la malédiction. Ils n'ont pas obéi à ce qui est écrit dans cette loi, livre de la loi là. C'est pour cela que la malédiction est venue. Au point où le prophète va déchirer ses vêtements pour faire la restauration. Donc, même si à un moment donné, le livre de Dieu est comme si ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Voilà. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Voilà. Même si le livre de Dieu est à un moment donné, comme ça ne fonctionne pas, comme c'était inerte, même si on veut la détruire n'importe comment, vous pouvez la détruire tout, vous ne pouvez pas détruire. Vous ne pouvez pas détruire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui l'a donné est puissant. Je vais vous dire le pourquoi. Pourquoi? Écoutez mes trois attentivement maintenant. Je vais vous dire le pourquoi on ne peut pas déstabiliser la parole de Dieu, on ne peut pas détruire la parole de Dieu. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Maintenant, il disait donc dans le livre des versets, dans le chapitre 10, verset 7 d'Hébreux, il est question. Oui. Alors je dis, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Donc, si vous lisez le psaume 47, verset 5 et 40, verset 7 et haut là, ça se trouve là-dedans. Pas vrai, mes frères? Maintenant, ouvrons le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 30, verset 8 et 34, verset 16. J'espère que nous sommes en train de passer de bons moments, n'est-ce pas? Amen. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 30, verset 8. Oui. Va maintenant, oui. Écris ces choses devant eux sur une table, oui. Et grave-les dans un livre, oui. Afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Regardez-moi dans la grève. Qui parle là? Qui parle? L'Éternel. Il dit quoi à qui? Peut-être que vous ne me voyez même il pas. Dit à... Non. Ok. Il dit, il s'adresse à qui? À Isaïe le prophète. De faire quoi? De graver ce qu'il a dit dans un livre. Dans un livre. Quand il dit graver, ça ne veut pas dire que c'est fait la caricature, c'est décrit dans un livre, n'est-ce pas? Ok. Il dit quelle est la portée de ce que Ésaïe va écrire dans son livre? Allons-y, dites-moi. D'après ce qu'il dit là-bas au verset 8, quelle est la portée? Écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans Stop. Les temps à venir. Stop. Afin que. Subsiste. Qui est en train de parler encore une fois de plus? L'Éternel. Donc si Dieu sait que ça, on va bouleverser ça plus tard, va-t-il dire ce genre de paroles? Non. Donc c'est pour vous dire que si Dieu a dit que ça va subsister, personne ne peut l'éteindre. Amen. Je crois que vous-même vous avez vu comment on nous a coupé la lumière, n'est-ce pas? Je vous ai dit qu'il y aura les attaques. Il y aura les attaques, mais il n'y a pas de problème. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème, je vais subsister. Permettez-moi de mettre la torche là. Il n'y a pas de problème. On te voit. Oui, mais voyez-moi, voilà. Donc, il faut que je mette ma torche. Et quoi que. Je vous ai dit, Satan n'aime pas ces choses-ci. Parce que là, franchement, je vous ai dit depuis un instant, je me sens vraiment bien dans cette. Spécialement dans cette prédication, mais il ne veut pas qu'on en parle. Alors, d'après ce qui est écrit dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 30, vous voyez, il a attaqué la parole du Père depuis. Attaqué, sorti des doctrines terribles. Les anges sont noirs. Christ lui-même était noir. Dieu est noir. Même l'Esprit Saint est noir. Son sang même était noir. N'importe quoi. Le Cameroun, c'est le peuple juif. C'est le Cameroun, le peuple juif. Le tribu de Judas, c'est à Yaoundé. Le Christ est né au Cameroun. Tu parles. On arrive. J'arrive. Comment, frère? Que la Bible, c'est le livre de blanc. Mais c'est le livre des blancs. Mais chaque fois, on lit tout dedans. C'est ça le vrai problème. C'est le livre des blancs. En tout cas, les blancs ont changé. On a changé, mais personne ne dit, ok, on a changé. Voici telle personne qui a changé. En telle date, on a changé. En telle date. Voici là où on a changé. Voici donc ce qui était vrai. Personne ne dit cela. Mais on ne peut pas lutter contre la parole. Alors, Dieu a dit ici dans le livre du prophète Ésaïe, au prophète, écoutez, on va voir la même chose dans trois prophètes maintenant. Alors, il dit au prophète Ésaïe que écris, grave cela pour que ça subsiste. Donc, comme Dieu a dit, comme il va graver, Ésaïe est un être humain mortel. Donc, il va mourir parce que lui, on a la même scié. Donc, comme il est mort, ses écrits sont restés. Parce que Dieu dit que ça va subsister de génération en génération à perpétuité. Pas vrai? La preuve, Jésus est venu 800 ans après, il a lu le prophète Ésaïe. Donc, malgré les gnostiques qui étaient là-bas, malgré les rabbinaires qui étaient là-bas, malgré les écoles, les différentes écoles courantes, les sadducéens, des pharisiens, personne n'a pu détruire le prophète Ésaïe. Pas vrai? Vous voyez que malgré que les sadducéens ne croyaient pas aux anges, Ésaïe chapitre 6 dit que j'ai vu le Seigneur debout avec les séraphins, les anges étaient tout autour de lui. Pourtant, eux, ils avaient le livre. Qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient seulement chercher le docteur pour pouvoir déstabiliser le livre d'Ésaïe. Le fait qu'il ne croit pas aux anges montre clairement qu'il ne croit pas au livre d'Ésaïe, mais ça ne demeure pas moins pour autant que le livre d'Ésaïe était là. Donc, quelque en sorte qu'on va continuer, tous les doctrines qu'on va continuer, que si vous ne croyez pas que les vrais Israël sont ces gens qui sont issus de la fille ancestrale, quelque en sorte ce qu'ils vont faire, la Bible subsiste. Je sais pas si vous me saisissez. Alors, ouvrez le livre de. Nous sommes dans Ésaïe, là. Lisons le chapitre. C'est quoi le prochain 34, verset 16. Permettez-moi, je vais lire, comme votre voix n'a pas de volume, je vais lire là. D'accord? Ésaïe chapitre 34, verset 16. Que Dieu vous bénisse. Regardez verset 16, qu'est-ce que ça dit? Regardez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Qui est en train de parler, mes chers? C'est Dieu qui parle, pas vrai? Il dit, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné. C'est son esprit qui les rassemblera. Amen. Donc, Dieu nous dit dans ce livre d'Ésaïe, si vous lisez depuis ce qui se passe là-bas, il parle de la ruine d'Édom et du retour d'Israël. Il a prophétisé sur Édom, prophétisé sur le retour d'Israël. Puis Dieu nous dit par la suite dans ce livre-ci que lisez le livre de l'Éternel. Tout ce qu'il a dit là, ça va arriver. Rien ne fera de faux parce que c'est Dieu qui va les rassembler. Donc, vous dites comment Israël va revenir dans son pays. Dieu dit que c'est son esprit qui va les rassembler. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit dès le départ? Il a dit consultez ça dans le livre. Or, nous, au chapitre 30, verset 8. Il a dit à Ésaïe de graver ça pour que ça soit lu jusqu'à aujourd'hui. Mais voici ça qu'il vient de lire maintenant. Vous voyez, 800 ans plus tôt, Jésus a lu. 2018 ans plus tard, j'ai lu. Donc ça fait 2000, près de 3000 ans que Ésaïe a écrit. Nous sommes là, en train de lire Ésaïe. Dieu a-t-il menti, mes chers? Prenons un autre livre. Prenons un autre livre. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. D'abord, verset 3. Apocalypse chapitre 1, verset 3. Je vais lire encore une fois de plus. Parce que comme la connexion, la lumière est coupée, votre voix n'est pas amplifiée ici sur le bar. Donc, c'est très réduit. Alors, verset 3 dit ici, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui y sont écrites. Vous avez vu ça? Maintenant, regardons le chapitre 1 encore. Chapitre 1 toujours. Permettez-moi de regarder là. Regardez le verset 19 du chapitre 1. Il dit, chapitre 1, verset 19, c'est quoi? C'est ça. Vous y êtes. Cette Bible aussi me dérange. Qu'est-ce que ça dit dans votre version là? C'est. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il dit. Regardez, il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Donc c'est Jésus qui dit à Jean de Christ toutes ces choses aussi. Celles qui sont, donc à l'instant qu'il en a de parler. Vous voyez, celles qui sont, celles qui doivent arriver après elles. Donc il y a des événements que Jean est censé écrire pour prévenir qu'il doit arriver. Donc vous pensez que Jésus va écrire quelque chose pour prévenir quelque chose qui doit arriver et un être humain va modifier le cours sur la terre et au point de changer que les gens ne puissent pas lire pour avoir accès à ce que Jésus a dit qu'il devrait arriver. Donc ça dit que Jésus n'était pas puissant. Regardez encore. Il va dire au verset 18. Regardez. Verset 18. Il dit, et le vivant, j'étais mort et je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. D'accord? Puis il va dire maintenant, écris les sept lettres, c'est envoie-les aux sept églises qui sont en Asie. Et puis, au chapitre 22, il va dire quelque chose. Regardez chapitre 22. Allons, chapitre 22, rapidement. Chapitre 22, le verset 9, qu'est-ce que ça dit là-bas? Prenons à partir du verset 6 déjà. Verset 6. Regardez le chapitre 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc vous voyez que ce livre est déstabilisé. Personne ne sera heureux. Et par conséquent, personne ne doit garder jusqu'à ce qu'il vienne. Vous avez moi? Amen. Maintenant, Jean, verset 8 dit, moi, Jean, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et ceux qui gardent les paroles de l'idée de ce livre. Adore Dieu. Donc, le livre est important pour dire. Tout ça, il prend ça pour vous dire quoi? Pour dire, Satan va toujours tenter de toucher la Bible parce qu'il veut discréditer cette Bible-ci. Mais la Bible elle-même se défend. C'est pas ce que vous saisissez. Il croit qu'il faut que. Un de ces jours qu'on va se rencontrer, on va revenir sur ce thème-ci pour qu'il développe bien ça au moins pendant 5 heures, 6 heures de temps. Avec des pauses. Maintenant, il dit, et il me dit, écoutez, verset 10, mais c'est le verset 10 qui est encore plus important. Regardez. Et il me dit, n'est-ce point les paroles de la prophétie de ce livre? Car le temps est proche. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important à savoir dans ce livre-ci, au point où il est nécessaire rapidement de saisir ce qu'il lui dit. Il dit car le temps est proche. Ça veut dire que si ce livre s'est modifié, déjà on a déjà des problèmes. Si ce livre n'existe pas, on a déjà des problèmes. Parce qu'il y a des événements sur ça qui concernent comment se préparer pour être prêt. Les événements qui vont se passer, tout. C'est écrit là-dedans. Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il y a un pasteur même qui est venu ici à Douala jusqu'à convaincre ses fidèles de déchirer le livre des gens. Que Jean avait mangé du piment, parce qu'il était. C'était ce que le Seigneur lui a révélé que le livre de Jean, d'Apocalypse, ne vient pas de lui. Je préfère le Jésus qui a montré ceci à Jean, dans la Bible, que je ne vois pas, que ce monsieur-là qui est vivant. N'est-ce pas ce que vous saisissez? On avance. Regardez encore. Verset 16. Moi, Jésus. Alors, c'est venu encore là maintenant. Vous avez moi? Amen. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'église de leur époque. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Dans les églises. Dans les églises. Lesquelles? Dans les églises, les sept. Les sept. Donc, ça ne nous concerne, ça ne nous concerne, ça ne nous concerne pas. Si. Bien sûr. Il n'a pas précisé. Donc, lesquelles? Dans les églises. Il y a les églises sur la terre maintenant. Oui. Donc ce sont nos lettres. Bien sûr. Donc ça veut dire que le but de que l'ange était venu pour les premières églises, c'est pour attester à toutes les églises tout ce qui est écrit là-dedans. Parce que ça ne les concernait pas seul. Ça veut dire que Jésus a dû garder ces lettres-ci pour toutes les églises de toutes les époques. Vous avez moi? Mm-hmm. On continue. Verset 18, 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Vous avez entendu? Amen. Et si quelqu'un y retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Oui, on dit qu'on ne doit pas retrancher quelque chose des paroles. Donc, tel que la parole est dite, laissez ça comme ça. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville saine décrit dans ce livre. Je vais revenir sur ce passage, c'est un des sujets pour expliquer. Parce que ce n'est pas que la personne sera à l'intérieur, il y a un arbre qu'on va manger, qu'on va le retrancher. Ce n'est pas cela dont il est question. Maintenant, lorsqu'on en est de ces points doucement vers la sortie, et on en voit un mystère. C'est que Dieu a dit dans le chapitre 8, 30, verset 8 d'Esaïe, de graver ces choses-ci pour que ça soit lu dans le suite des temps. Et on a vu effectivement que Dieu va réitérer dans le chapitre 34, verset 16, que c'est toutes ces choses-ci, Dieu va les mener en existence dans tout ce qu'il dit. Quand on lit, qu'il dit qu'on lisait le livre, aucun ne fera défaut. Donc, tout ce qu'il a dit va s'accomplir. On a vu dans Esaïe comment il a dit qu'il va naître de la tribu de Judas. Il est né de la tribu de Judas. Comme d'autres personnes disent qu'elle était livide là. D'autres encore, il dit clairement qu'il va naître d'une femme vierge. On a vu comment elle est née. Ils sont tombés parmi les riches. On a vu comment elle est née. On a tiré son vêtement. On l'a mis son tombeau parmi les riches. On a vu ça, c'est écrit là, n'est-ce pas, frère? Mais... Votre Bible est digne de confiance. Nonobstant les attaques, qu'elle a eu à encourir parmi les siècles. Si la Bible pouvait pleurer à haute voix, c'est que c'est le seul livre qui pleure. Il ne s'agit pas de mettre au feu avec le Coran comme les musulmans essaient de blaguer avec les têtes de Mohamed là. Pour dire que non, si dans une maison il la brûle, ça ne va pas brûler. C'est le papier. Mais si vous brûlez le papier avec l'écriture, l'écriture va brûler la parole de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas un livre de magie. Donc ce n'est pas une prouesse de Dieu en disant que oh, on a vu dans une maison quelqu'un, il a brûlé tout, le Coran n'a pas brûlé. Satan peut faire ça justement, puisqu'il a ses acolytes même qui se mettent le feu, ils se mettent à l'intérieur, ça ne les brûle pas. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de Dieu. Donc si les marabouts du Sénégal et du Mali font de feu là-bas, ils portent un sting d'endroit sur eux, on verse le feu sur eux, le pétrole, ça brûle, après ils sortent là-bas, on les acclame. Alors que c'est le démon qui les a couverts contre le feu. Ce n'est pas le Coran qui en est accepté. Donc ce n'est pas une justification pour dire qu'il n'est pas dit ici que si vous brûlez un livre, c'est la parole de ça ne brûle pas, c'est la vraie parole de Dieu. Ce n'est pas le test pour la parole de Dieu là-bas. La parole de Dieu, c'est ce qui dit et que les choses s'accomplissent. Amen. Mmh. On avance. Daniel chapitre, on a dit d'aller doucement pour sortir. Non, n'allons pas encore dans le livre de Daniel. Allons dans le livre de Jérémie. Nous allons voir quelque chose. Jérémie. Tout à l'heure, lorsque j'étais en train de développer mon dans cet enseignement, c'est je vous ai dit que à l'entrée que Satan a tenté de détruire la parole de Dieu. Et ça n'a pas changé, le mécanisme n'a pas changé. Au Moyen-Âge, durant les âges des ténèbres, c'est comme ça que l'Église catholique, par les croisades données par les papes, brûlait tous ceux qui avaient des saintes écritures. Quand on t'attrapait les saintes écritures, on disait que tu livrais les sortilèges sur les gens au point où on vous brûlait. Maintenant, nous allons voir que dans les saintes écritures également, ça se trouve. Oui, enfin, cet esprit-là, ça se trouve partout. Jérémie chapitre 36. Je crois que comme votre connexion est venue là, quelqu'un peut lire verset 28 à 32, rapidement. Jérémie chapitre 36, verset 28 à 32. Merci pour les personnes qui sont en train d'écrire là dans le forum. Que Dieu vous bénisse. Le frère Jean-Marie est encore là? Oui. Ok, que Dieu te bénisse. Prends de nouveau un autre livre, et tu y écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier livre qu'a brûlé Joachim, roi de Juda. Et sur Joachim, roi de Juda, tu diras, ainsi parle l'Éternel. Tu as brûlé ce livre en disant, pourquoi y as-tu écrit ces paroles? Le roi de Babylone viendra, il détruira ce pays et il en fera disparaître les hommes et les bêtes. Voilà. Maintenant, je vous dis quelque chose. Toute tentative de distorsion de l'écriture, si tu essaies de détruire l'écriture, c'est ta propre vie que tu en es détruit. On ne peut pas. Alors le prophète Esaïe, le prophète Jérémie avait demandé, il dictait les paroles à Baruch, son secrétaire, celui qui était considéré comme son secrétaire. Il dictait. Et quand Baruch est allé lire cela, les gens ont entendu que quoi? Joachim a dit que merde, il ne fait que placer le découragement au peuple. Il a pris le livre, l'a détruit. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète Jérémie en disant que prends encore le livre et écris les mêmes paroles que tu avais écrites. Il a écrit mot pour mot ce qui était détruit là-dedans. Donc vous ne pouvez pas détruire la Bible. Vous ne pouvez pas détruire la Bible. Vous ne pouvez pas détruire. Maintenant, Dieu nous a présenté cela dans le livre d'Exode. Si vous lisez l'épisode d'Exode de du veau d'or, quand Dieu va demander à Moïse que de monter et par la suite va faire le veau d'or, il va descendre avec les deux tables. La Bible déclare que les deux tables étaient les tables de l'Éternel au verset 16 du chapitre 32. Que l'écriture était l'écriture de Dieu. Quand il est descendu, la Bible déclare sa colère s'enflamma, il cassa, il a brisé la table. Il a brisé la table. Mais plus tard, quand il est monté, Dieu va dire que taille-toi les deux pieds et monte vers moi. Il va écrire sur les paroles sur la pierre sur laquelle tu avais détruit les premières. Donc, comme même Moïse lui a détruit la Bible, Dieu lui a encore donné la même Bible. On ne peut pas détruire la Bible. Amen. Amen. Maintenant, allons voir, plonger dans l'eau à Babylone pour voir exactement ce qu'il en est par rapport aux eaux qu'on boit maintenant. Vous voyez, les gens vont dans les eaux. Ils font des festivités derrière les eaux. C'est pourquoi dans les esprits de Mamouata peuvent attraper les gens. Les gens peuvent se noyer à cause des choses. Ils ne savent pas que les malédictions sont contenues dans l'eau à cause des paroles que Dieu avait prononcées. Vous savez ça? Non. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51. Jérémie chapitre 51, verset 60 à 63. Vous êtes déjà fatigué, n'est-ce pas? Je crois que non, c'est la sortie déjà, ne vous inquiétez pas. Jérémie chapitre 51, verset 60 à 63. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Seraja, lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles. Je continue. Ah, et tu diras, Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes, ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans l'Euphrate. Amen. Amen. Il faut dire à ces gens-là qui partent dans l'Euphrate, ils partent prendre le livre, là, ils découvrent aussi ça pour voir ce qui est écrit sur ça. Donc, si vous demandez, il faut savoir aussi qu'il y a le livre des paroles de malédiction de l'Éternel. D'accord? On peut conclure maintenant? Oui. Ecclésiaste. On conclut. D'accord? Il y avait aussi Daniel, je crois, non? Ok, allons dans Daniel avant de rentrer dans Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12. Que Dieu notre Père vous bénisse vraiment. Amen. Vous voyez que le message du Seigneur n'est pas compliqué vraiment, n'est-ce pas? C'est pas compliqué. C'est quand vous voulez créer des problèmes que ça vous prend dans une tournure de tourbillon que vous ne vous saisissez plus. Mais lorsque vous allez avec un cœur humble, avec un esprit disposé, vous voyez, vous lisez la Bible, votre cœur se réjouit chaque fois. Chaque fois, votre cœur se réjouit. Comme cela, on dit, notre cœur ne brûlait pas au-dedans de nous et nous, quand nous expliquons les Écritures. Mais les autres, quand vous allez avoir, vous allez seulement voir les mauvaises choses. Que non, Dieu ne peut pas quand même dire des choses comme ça. Comment Dieu peut dire qu'il regrette? Comment Dieu peut dire qu'il se repent? Tu vas seulement voir ça. Et ça va être traité. Continuons comme ça. Chapitre 12 de Daniel. On y va. Voilà. Verset 1 à 4. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brûleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Maintenant, Amen. L'ange dit à Daniel, longtemps, alors qu'ils sont encore à Babylone, en captivité, il demande à Daniel d'écrire. Daniel, si vous lisez, vous voyez l'intercession au chapitre 9, Daniel va dire qu'il ne vit pas les livres qui devaient s'écouler 70 années selon le temps que Dieu avait l'Éternel avait donné au prophète Jérémie. Lorsque Daniel dit il vit pas le livre, ça veut dire, il vient de dire que le prophète Jérémie a existé après lui. Et le livre du prophète Jérémie que nous lisons est authentique parce qu'on voit effectivement dans le livre du prophète Jérémie que Dieu avait fixé 70 années de captivité. Daniel lui dit qu'il a lu dans le livre du prophète Jérémie, il a vu que Dieu avait prévu 70 ans. Daniel prie Dieu et Dieu vient nous continuer en disant que, ok, comme ces 70 ans ont été fixés, voici donc la suite. Donc, il vient de dire, la parole de Dieu est authentique, donnée par Jérémie. Et Dieu vient confirmer en donnant aussi maintenant à Daniel maintenant de continuer les révélations. Il continue les révélations ici. L'ange lui dit, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. J'aimerais bien vous dire avec quoi on scelle le livre. Le cadenas pour fermer le livre. Il vous le dit. Vous aimez choses comme ça. Alors la Bible déclare, verset 4, il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Et celle, vous entendez quelqu'un vous parler en français. Il dit des choses, vous entendez bien les mots qu'il a articulés, sujet, verbe, complément. Vous entendez, vous ne comprenez pas ce qu'il dit. C'est le pied d'achat. Il le voit. Vous avez vu, en lisant le livre de Daniel, chapitre, les 12 chapitres, vous avez vu un clé quelque part que vous avez mis un cardinal quelque part. Non. C'est là. C'est tout simplement. Mais il y a le, voile quelque part là-bas donné. Mais quand vous lisez, bon, de toute façon, il dit, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre. Regardez bien ce que le prophète lui, quoi, l'ange lui dit, et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Vous avez vu cela? Il dit, le livre sera scellé jusqu'au temps de la fin. Et il dit, en plusieurs alors le liront, liront ce livre qui est scellé. Si l'ange vient dire ça à Daniel, donc ça veut dire que Dieu va préserver le livre de Daniel jusqu'au temps de la fin. Je ne sais pas si vous comprenez. Votre livre n'est pas complet. On va lui dire que ce qui est derrière. Si quelqu'un vous dit ça la prochaine fois, dites ok, comme ce n'est pas complet là, laisse la partie qu'on n'a pas encore complétée. Lis d'abord ce qu'on a donné, ce qu'on a là-devant. Quand tu auras fini de pratiquer, cherche ce qui n'est pas complet, tu vas mettre là-dessus. Amen. D'accord. Maintenant, verset 9, verset 8 et 9, qu'est-ce que ça dit? 8, 9 et 10 même. Allons-y. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Vous avez entendu ça? Donc c'est destiné pour s'incarner les personnes. Et nous avons vu Jésus dans Matthieu chapitre 25, verset 1 à 13, va nous faire se référer à ces passages en disant que ceux qui, quand vous allez voir l'abomination de la dévastation placée en lieu saint, comme a parlé le prophète Daniel, le Seigneur dit, le prophète Daniel, que celui qui lit fasse attention. Amen. Amen. Mon frère, pourquoi c'est pas dans l'ordre alors les livres? Par exemple, montre-moi, l'état de Daniel. Laisse le livre aussi. Regarde dans la vie, tu me montres ce qui est en ordre. Allons-y. C'est ce que Dieu a fait qui est en ordre. Allons-y alors. Quand tu vas dans une famille, les gens naissent dans une famille. Tu n'as pas encore remarqué que le petit frère est souvent plus jeune que le grand frère. C'est normal. Hé, ma soeur. Non, non, non, mais... Tu n'as jamais vu dans un endroit où la grande soeur paraît plus jeune que la grande soeur. Paraît plus jeune que la grande soeur. Normalement, elle paraît plus jeune que la petite soeur. Vous voyez une petite soeur qui a les cheveux blancs, dit, mais c'est lui, c'est elle qui a grandi. Elle dit, non, non, c'est ma grande soeur. Vous n'avez jamais vu cela. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Entrons dans la conclusion là, avant que. On prend. Vous m'entendez? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Donc, oui. La logique de Dieu est illogique et l'ordre de Dieu est désordonné pour nous. Chapitre 1 d'Ecclésiaste. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que la connexion est de bugger là maintenant. On comprend très bien, frère. Ok, maintenant, versets 14 et 15. On y va. Quelqu'un lit et une autre personne répète, une autre personne répète, une autre personne répète. Tout le monde va lire. Allons-y. Une personne lit d'abord en premier lieu. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poussée du vent. Ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Et ce qui ne peut se redresser. Ne peut se redresser. Oui. Ce qui manque ne peut être complété. Oui. Compté. Oui. Ne peut être compté. Oui, allons-y. J'ai dit à mon cœur. Le verset, voici, verset 14 et 15 seulement. Oui, oui. Qui va lire d'autres? Même verset. Quelqu'un d'autre lit. C'est la conclusion. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est prouvé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Oui. Quelqu'un d'autre? J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. Voilà. Maintenant, chapitre 3, verset 14. Une personne lit et puis on... J'ai vu tout ce... Oui, vas-y, lis d'abord, mon frère. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. Voilà. Mon frère, lis encore le chapitre 3, le verset 14, toi. Et on se dit, berger dans la sainteté, bonne nuit. Chapitre 3, verset combien? 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y rajouter et rien à en retrancher et que Dieu agit ainsi qu'on le craigne. Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Béji dans la sainteté, bonne soirée. Dans ses mains, dans son grand temps, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Souvenez-vous que je vous aime toujours et je vous aimerai toujours. D'accord, mes soeurs? Alors, donc, mes chers frères, mes chères sœurs, le Seigneur vous aime et je vous aime aussi. Que la grâce et la paix vous soient multipliées et que la paix reste dans votre famille, dans votre cœur, dans votre maison. Souvenez-vous, je vous aime et je vous aimerai toujours, d'accord? Amen. À très bientôt. À bientôt, merci. Ce message n'est pas compliqué, ce message c'est que Jésus t'aime, dans ses bras, dans son grand amour, il a pris tes péchés sur lui.